Que la crème de l'éternel soit sur nous. Que la crème de l'éternel soit sur nous. Que la crème de Dieu, que la crème de l'éternel soit sur nous. Oui, que la crème de l'éternel soit sur nous. Bonsoir à tous, salut, bienvenue mesdames, messieurs sur Dynamique FM. La fréquence est 103.9 et l'émission dans vos oreilles à l'instant, c'est l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, diffusée avant jusqu'à il y a une semaine, les jeudis à 21h, de 21h à 21h50, est déportée depuis la semaine dernière, du jeudi pour les vendredis. Donc comme vous l'écoutez, ce sera désormais les vendredis entre 20h30 et 21h50. Même thématique, même invité, beaucoup plus de temps et forcément beaucoup plus d'éclaircissement. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous à cette nouvelle horaire, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM et merci pour la grâce que Dieu nous a accordée à travers cette chaîne par rapport au rallonge du temps. Nous en remercions particulièrement le chef de chaîne comme ça et pour tout l'effort qu'il donne pour que nous annoncions la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus, hein. Vous êtes un invité constant et permanent dans ce programme pour nous éclairer au travers des Saintes Écritures vis-à-vis de tous les points doctrinaux qui provoquent la contradiction ou qui fait l'objet des débats dans le paysage religieux. Ce qui est dommage parce qu'en réalité, la parole de Dieu, si prêchée de la bonne manière et harmonisée par tous les enfants de Dieu, il ne devrait pas avoir de contradictions parce qu'en réalité, il ne se trouve pas de contradiction nulle part. Lorsqu'il y a contradiction, ça suppose que notre raisonnement et notre ego commencent à entrer en conflit avec le Saint-Esprit et la vérité révélée. Mais quand cela ne tient, nous sommes quand même là chaque fois pour essayer d'éclaircir autant que peu ce que le Seigneur nous donne de donner à ses enfants. Mon nom est Billy Collard. Élise Étonnet a suivi la partie technique de manière très professionnelle hein, ce soir. Et Christ, le Seigneur, vraiment l'a béni et toute sa famille. Vous et nous, mesdames, messieurs, sur le téléphone tout à l'heure, lorsqu'il vous. Envoyez-nous des messages ou des questions par SMS pour faire partie de l'émission. Avant la fin de l'émission, au travers du 6-71-34-54-14, 6-91-60-02-84, SMS uniquement. Les appels seront 20 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior. Ah, bon, ça veut dire que la maison a rallongé le temps. Vous avez gratifié également les auditeurs pour qu'ils puissent appeler cette fois-ci. Oui, c'est permis maintenant. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que ce n'était pas les problèmes techniques qui étaient à l'émission, c'était le temps. C'était faute de temps parce qu'avec les 50 minutes que nous avions, il fallait développer, dire des choses et l'interruption avec le téléphone était devrait être précaire. Donc voilà maintenant qui est fait. Donc, vous pouvez maintenant désormais appeler, mais 20 minutes avant la fin de l'émission pour faire part de vos préoccupations. Oui. Ou même participer à l'émission. Je rappelle les contacts, ils sont les 6-71-34-54-14, 6-91-60-02-84. Bonsoir et bienvenue à vous si vous venez de prendre l'émission en cours. Frère Junior, oui. Nous sommes dans une société contemporaine, nous sommes dans une société qui est garnie par les êtres humains. Oui. Et j'ai fait un constat l'autre jour dans la rue, une personne qui dans la rue va par erreur commettre une erreur qui va l'emmener dans un petit incident. Oui. Maintenant, ceux qui sont autour de cette personne, les êtres humains comme elle, oui, au lieu de l'aider, vont se mettre à se moquer de cette personne. Oui, c'est normal avec le comportement humain. Lorsque vous voyez dans la Bible, vous allez voir la parabole du Samaritain. Vous allez voir effectivement que le Seigneur Jésus va mettre les gens tout autour, quelqu'un qui a eu mal, parce que là, vous ne pouvez pas citer l'incident. Mm-hmm. Donc maintenant, prenons le cas du Samaritain. Vous allez voir, c'est ça l'incompréhension de notre semblable. Lorsque quelqu'un est dans l'erreur, remarquez bien dans le livre des Job, par exemple, la Bible déclare que c'est quelqu'un qui, celui qui souffre, a besoin même de la compassion, même de son ennemi. Mm-hmm. Quand même ce sera notre ennemi, même si cette personne-là n'a pas la crainte de Dieu, lorsque la personne est dans la souffrance, il faut lui venir en aide. Mm-hmm. C'est pour ça que dans le livre des Proverbes, Dieu dit que quand ne t'irrite pas contre ton semblable, et il dit par la suite que si, quand même c'est ton ennemi, n'essaie pas de faire comme lui, parce que Dieu t'y vengera ces choses. Ne dis pas que je lui rendrai comme il m'a fait, parce que ce sera mal fait. Mm-hmm. Donc nous voyons effectivement ce comportement au milieu des hommes, effectivement. Nous voyons effectivement comment les gens passent et ça c'est une copie qui est en train de venir de l'Occident. Vous voyez effectivement lorsque nous voyons en Occident particulièrement, nous voyons que la société telle que les Africains vivent, parce qu'au village ici nous vivions en communauté. Quand même on n'était pas chrétien, vous voyez effectivement que dans le village, telle personne connaissait la caste de telle personne et on pouvait venir en aide. aujourd'hui, on se fait des barrières. Des barrières hautes comme le Guantanamo. Effectivement, vous voyez, effectivement, un voisin ne connaît même pas ce qui se passe chez l'autre voisin. Il ne connaît même pas les enfants qui y sont. Par conséquent, on peut même venir agresser. La personne ne peut pas crier parce que déjà, on ne vit pas ensemble. Dans cette société, vous voyez effectivement que ça se disloque. Il n'y a pas de solidarité. Donc, en fait, ici, le vrai problème, c'est qu'on ne connaît pas son semblable, son prochain. C'est la notion du prochain dont on ne connaît pas. Est-ce la conséquence du fait de manquer de Christ dans sa vie, le fait de ne pas vivre sous le prisme des Saintes Écritures? En fait, ceux qui vivent même dans le prisme des Saintes Écritures, si nous entrions dans le domaine, c'est un autre domaine, puisque eux-mêmes, le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, dans Jean chapitre 13, que c'est à ceci tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Vous allez voir effectivement que l'amour, normalement, les disciples s'aiment d'abord de l'amour de Christ, puis ils aiment toutes les autres personnes, que ce soit même les ennemis ou autres, ils aiment toujours. Mais aujourd'hui, c'est l'amour sectariste qui nous anime. Ah, d'accord. Nous aimons les gens de notre milieu. Ce qui prévaut beaucoup plus. Absolument. Donc on voit effectivement que même du côté des chrétiens, on n'a pas compris cela. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la société africaine que nous vivions. Cette société-là vivait hors de Christ. Parce qu'en fait, la Bible déclare, si vous lisez le livre des Romains, chapitre 2, la Bible déclare que quand les païens qui font naturellement ce que prescrit la loi, vous voyez, et ça, cela montre que la loi est écrite dans leur cœur. Et cette païen-là condamnera le juif. Ça, c'est pour qu'il écrivait aux juifs ainsi. Donc, en fait, ça veut dire qu'avant que Christ ne vienne se révéler aux Africains, ils vivaient les lois de Dieu, parce qu'il y a les lois de Dieu qui sont écrites sur le cœur. Ah, oui. La révélation de Christ, c'est Christ mort pour le rachat de l'humanité, pour le rachat de son peuple, afin de réconcilier l'humanité avec lui. Donc, c'est la seule différence entre cela. Mais la loi de Dieu est écrite sur le cœur. Les gens vivaient en harmonie, les gens vivaient, vous voyez effectivement que dans les villages, il y avait l'inceste qui n'était pas permis dans certaines tribus. On ne pouvait pas tuer, il y a des gens qui ne pouvaient pas faire du mal aux animaux même. Donc, vous voyez effectivement que la loi de Dieu était écrite sur le cœur. Mais la différence, c'est que au niveau de Christ révélé dans l'homme. Ah, d'accord. Je rappelle une fois de plus qu'on sera ensemble jusqu'à 21h50 et donc on a beaucoup plus de temps, ce qui nous donne en même temps le droit de s'écouter une chanson avant de revenir après pour la suite. Et cela me donne aussi le temps d'aller vraiment doucement aussi. Ah, d'accord. Parce que avant, vous me chassez seulement avec du temps et j'étais obligé de crier vite et par des conséquences, les auditeurs me disaient, frère Junior, il faut aller doucement. Donc je crois que je vais aller doucement vraiment. Bonsoir, en passant à Chimène Foucault qui sera une de nos invitées dans ce programme pour une thématique qu'on aura à développer. Merci à vous et à tout de suite. Car il est la parole de vie. Oui, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Je me répondrai même à mon roi. Oui, je veux me soumettre en sa parole de vie. C'est une je veux adorer. Voyez, c'est une chose de se rendre compte de qui il est, de ce que l'on est. Et on a besoin de cette base-là pour alors prêcher la vraie alliance, la vraie grâce. Parce que si on va à prêcher Dieu est amour, Dieu est bon, on a des gens qui disent « Amen, oui, c'est ça. Même Jésus est mort pour moi. » Mais qui n'ont aucune conscience de Dieu, aucune crainte de Dieu. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, disait Jésus. On a des gens, on leur prêche l'amour, la bonté. Ah ben tant mieux, c'est bien pour eux, finalement. C'est bien pour eux, et ils sont, sans s'en rendre compte, et des fois, on s'en rend même pas compte, ils sont la manifestation de ce qu'on vient de lire. De gens qui ont laissé tomber le Créateur qui est béni éternellement, lequel on est appelé à glorifier, pour se servir eux-mêmes. Et ils arrivent même à aller jusqu'au fait abominable de se servir de Dieu pour eux-mêmes, de se servir de la parole de Dieu pour eux-mêmes, pour se rassurer, voire même pour justifier certains de leurs actes selon leur propre convoitise, leur propre iniquité. C'est là l'apostasie totale dont il y a un certain pourcentage aujourd'hui dans l'Église. De gens qui vont jusqu'à ce qui sera manifesté être une abomination, et rien d'autre, une abomination. De se servir de Dieu pour aller bien. Parfois, on a des combats, on réfléchit, on se dit à ceci, à cela, on essaye de faire une sorte de recette où on pourrait mettre Dieu et puis un petit peu de nous, mais parfois on n'y arrive pas, on rechute, on tombe. Le Saint-Esprit te dit, regarde à Dieu, regarde qu'à Dieu, adore-le, prends conscience de sa fidélité, regarde tes mains, comment elles ont fait pour être formées, regarde ce que tu manges, regarde ce que tu vis, regarde la création, regarde la fidélité de Dieu, regarde à la croix, regarde au sang qui a été versé. Et là, va monter quelque chose en toi, une ressource inépuisable pour marcher dans la sainteté tous les jours de ta vie. Et il n'y a rien ni personne qui pourra te séparer de cet amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Celui qui a une révélation de la fidélité de Dieu, il est prêt à verser son sang comme Jésus l'a versé. Quand vous prenez le blanc mélangé avec du noir, c'est le gris, la confusion. Confusion. Et qui dit confusion dit quoi? Babylone. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que vous compreniez ces choses-là. Ou vous êtes blanc, ou vous êtes noir. Ou vous êtes chrétien, ou vous êtes mondain. C'est simple. Vous devez choisir le camp. Amen. Ou vous devez choisir de suivre la parole de Dieu, la saine doctrine. La saine doctrine. Ou bien suivre le mélange et aller à la confusion. Amen. Tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Même si ça semble être bon. Les lois de Dieu sont de plus en plus rejetées au profit des lois totalement charnelles, humaines et diaboliques. De la crème de l'éternel. Mesdames, messieurs, bonsoir, une fois de plus et bienvenue à ce programme. Je rappelle que vous écoutez l'émission « Que la crainte de l'éternel soit sur nous ». Tous les jeudis ici, c'est construction et déconstruction au travers des enseignements du Frère Junior qui nous fait l'honneur toutes les fois qu'il est invité à ce programme, Frère Junior. Oui. Rebonsoir. Hein. Bonsoir, encore une fois de plus, mon frère bien-aimé, Voilà, la semaine dernière, on a parlé du chrétien et de la maladie, de l'attitude que devrait avoir un chrétien vis-à-vis de la maladie. Oui. Donc, il avait été question pour vous de nous éclairer afin qu'on puisse savoir si ou non un chrétien qui est né de nouveau peut-il tomber malade. Oui. Donc, on aimerait avoir de manière académique, oui. Un peu plus dans un peu comme un résumé. Enfin, parce que en ces jours-là, nous n'avions pas le temps, on n'a pas pu toucher les Écritures. Donc, si les autorités permettent, on va dans les Saintes Écritures pour voir. Un peu rapidement, Frère Junior. Oui. Donc, puisque la question c'est est-ce qu'un chrétien peut-il tomber malade? Voilà, oui. Chrétien, ça se pose né de nouveau déjà. Né de nouveau, oui. Donc, ok, maintenant, disons le livre des Philippiens. Je rappelle que ça va sur quatre questions. Donc, le chrétien peut-il tomber malade? Si oui ou non. Si oui, peut-il aller à l'hôpital au cas où ou encore chez le tradipraticien? Voilà, et peut-il faire une transfusion sanguine, oui. Et tout ce qui tourne autour. Oui, donc je suis dans Philippiens au chapitre, vous m'avez pris de cours là, j'étais en train de méditer sur un sujet, puis vous m'avez fait sortir là-dedans, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour ouvrir ma Bible là. Donc dans Philippiens au chapitre, je suis au chapitre 2 là devant de moi, Philippiens chapitre 2, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, vous m'avez posé la question par rapport aux chrétiens. Si on avait un temps d'émission, ou un thème d'émission, je pourrais aller depuis la Genèse et voir tout au long de la Genèse comment Dieu a fonctionné, pourquoi Dieu le fait, ce qui se cache derrière. Mais touchons directement les chrétiens. Parce qu'en réalité, il y a des courants religieux qui disent si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, ce qui n'est pas vraiment chrétien. Enfin, d'autres prêchent même en disant que comme le Saint-Esprit en lui, il ne peut pas être malade. Mm-hmm. Donc maintenant, regardons ici. Philippiens chapitre 2, le verset 25 dit ceci. Il y en a plein comme ça dans le Nouveau Testament. Allez-y, frère. La Bible déclare, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. mon compagnon d'œuvre. C'est l'apôtre Paul qui en est de parler. Mon compagnon d'œuvre et de combat. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Ah d'accord. Donc, et c'est un chrétien qui travaille avec l'apôtre Paul. Souvenons-nous, l'apôtre Paul, c'est celui dont nous avons vu dans la Bible qu'on essuyait les mouchoirs sur son corps, les linges qui avaient touché son corps, on touchait sur les malades et les malades étaient guéris. Donc ici, l'apôtre Paul en train de dire qu'il en train de saluer les chrétiens du fait qu'ils ont, ils avaient fait de la collecte, ils ont envoyé à Paul par les mains d'Épaphrodite. Et ils ont dit, il en train de dire que les chrétiens de cet endroit-là ont appris la maladie d'Épaphrodite. Ici, il dit, il a été malade. C'est l'apôtre Paul qui écrit. C'est l'apôtre Paul prenant sa plume, connaissant son compagnon d'œuvre et de combat. Ils combattent ensemble pour l'évangile. La Bible déclare, il a été malade. En effet, tout près de la mort. C'est quand même curieux, frère Billy. Il a été malade tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'use pas tristesse sur tristesse. Parce que l'apôtre Paul était dans la détresse, et c'était son compagnon à qui il pouvait se relayer pour envoyer des nouvelles à l'un et à l'autre, et il était malade à côté de lui. L'apôtre Paul dit que Dieu a eu pitié de lui, parce qu'il savait que s'il était tout près de mort, Dieu n'a pas voulu le prendre dans la mort, parce que s'il prenait dans la mort, il devait être triste, et l'apôtre Paul devait être triste parce qu'il n'avait pas quelqu'un à côté de lui. Ça, c'est le cas de ces garçons d'Épaphrodite. Nous pouvons voir également dans le livre des. Enfin, il y en a plein dans la Bible. On peut voir le cas de Matthieu chapitre 9, verset 13, verset 12, et dans Hébreux chapitre 14. Mais nous voyons effectivement dans le livre de 1 Timothée, comme il a dit la dernière fois, au chapitre 5, verset 23. Si vous permettez, je prends cela. Non, là normalement, c'est déjà suffisant parce qu'il était question que vous nous fassiez savoir si un chrétien né de nouveau peut tomber malade. Oui. Et vous allez plus loin. En fait, c'est clair là-bas comment on a dit qu'on a appris sa maladie. Donc, il y a le cas de l'apôtre Paul, c'était la dernière fois. Il y a le cas de Timothée qui ne fait pas d'usage seulement de vin, mais boit un peu de. Vous savez, c'est le verset des sous-là chrétiens. Ça met de côté toutes les personnes qui disent que. On ne peut pas être malade parce qu'on a le Saint-Esprit en soi. On doit venir à Jésus pour ne plus jamais tomber malade. Non, c'est des histoires. Il faut que. En fait, je vous ai dit que les gens. Il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a l'église marketing où les gens essaient de présenter la publicité pour que les gens viennent là-bas. Viens ici, si tu n'as pas d'enfant, on va te donner l'enfant. Dieu n'a pas de magasin d'enfants qui sous forme de chimères, on va te donner de l'enfant. Dieu, et c'est pour cela que la dernière fois, j'étais en train d'expliquer une chose, le plan dédié de chaque situation que passent les chrétiens. Ceci fait le temps qu'il y a une confusion au milieu des chrétiens maintenant, au milieu de l'église aujourd'hui. Les gens ne savent plus si Dieu, oui ou non, est en train de marcher avec eux. Par conséquent, quand quelque chose de mal arrive, on commence à crier Satan à tue-tête. C'est pour ça que vous voyez effectivement, et beaucoup font comme ça, là, en manquant du respect au principe des bibliques. Vous allez entendre les assemblées où les gens disent que Satan ne peut rien même faire. C'est quand même terrible. Ils ne savent pas avec qui les gens ont affaire. Vous voyez les prédicateurs qui prêchent avec la main dans la poche en disant que Satan ne peut rien le faire. Le fait qu'ils disent cela montre clairement qu'il est sous la coupe de Satan. La Bible déclare qu'ils injurent. Si quelqu'un m'écoute maintenant, un pasteur, et qu'il insulte Satan, il est coupable devant Dieu. D'accord. Parce que c'est une autorité. La Bible déclare qu'on ne doit pas insulter les autorités. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, quand bien même Satan a des problèmes avec Dieu, et la Bible déclare dans Jude chapitre 1, verset 9, que lorsque l'archange Michael disputait le corps de Moïse avec Lucifer, il n'osa pas porter contre les propos injurieux. Donc, l'archange Michael n'a pas posé contre Satan le mot injuré, mais il a seulement dit que le Seigneur te réprime. Ah, d'accord. Aujourd'hui, dans Romains chapitre 16, verset 20, la Bible déclare que le Seigneur, Dieu lui-même, détruira, anéantira bientôt Satan sous vos pieds. Ah, d'accord. La Bible déclare bientôt sous nos pieds, Satan va être anéanti sous nos pieds. C'est le Seigneur qui va le faire. Il dit Dieu lui-même anéantira bientôt Satan sous vos pieds. Mm-hmm. C'est ce que la Bible déclare. Mais dans les dénominations aujourd'hui, les pentecôtistes particulièrement, vous avez entendu, Satan est fort dans le match. Il passe le temps en match à Satan. Et la Bible déclare les princes de la puissance de l'air, il est en l'air. Et c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, on revient. Le tapioca que nous buvions, il n'y en a plus parce que Satan a visé pour le montrer qu'il est le prince de ce monde. La Bible déclare que Satan est le prince de ce monde. Les gens continuent à le piétiner. Ils croient qu'ils ont le piétiner. La Bible déclare qu'ils injurient les gloires. C'est ces mauvais enseignements qui sont entre au milieu chrétien. Et les gens disent donc qu'on ne peut pas être malade. Et les gens, effectivement, j'ai dit la dernière fois, les gens ont des maladies, ils ne peuvent pas se proclamer parce qu'ils ont peur. Et quand bien même, ces pasteurs, c'est là où je vous raconte une histoire. Beaucoup de ces pasteurs américains qui prêchent ces choses-là, parce que ça vient des importés des États-Unis, transité par le Nigeria, puis maintenant ça commence à venir à l'Afrique de l'Est et maintenant au Cameroun. Beaucoup de ces pasteurs là sont malades, enfin, il y en a plein, que ça soit Derek Prince, Benny Hinn et autres là-bas, Chris et Yacoum, vous voyez effectivement ce qui a de leur vie pour montrer effectivement que le Saint-Esprit n'est pas là. Vous voyez effectivement comment on va dire en prenant ces documents, en lisant, vous allez avoir là, si vous avez la stérilité, ça va partir. Dieu n'a pas dit qu'en lisant un livre, même pas la Bible, je dis bien même pas la Bible, il n'est pas prévu que vous lisez même pas la Bible, vous ayez l'enfant, non. derrière chaque stérilité se cache le plan de Dieu. D'accord. Derrière chaque stérilité se cache le plan de Dieu. Et c'est justement ce plan de Dieu que les gens ne veulent pas comprendre. D'accord. Il y a les situations qui doivent arriver chez les chrétiens. Il y a des situations que c'est Satan qui, que Dieu permet que Satan le fait. Il y a des situations que c'est Dieu lui-même qui fait. Dieu a promis à Adam, à Exode chapitre 20, que si Israël s'est détourné de ses voies, il va les frapper de l'hémorroïde. Quand David a fait le dénommement d'Israël dans le livre de 2 Samuel, on voit effectivement comment le prophète Gad est allé vers lui pour dire choisis trois fléaux. Ah, oui. Et il a choisi, il a dit que tombons entre les mains de Dieu car ses compassions sont infinies. Et la Bible déclare que un ange était tenu là-bas dans le champ de et cet homme-là étendait la main vers Jérusalem, les gens mouraient, la peste était dans le pays. Et Dieu a dit que arrête assez maintenant. C'est Dieu qui le faisait, c'est pas Satan, c'est l'ange de Dieu qui frappait comme ça. Donc et le cas d'Élisée, effectivement, Élisée qui a passé le temps à guérir, il faisait des miracles, il est mort. La Bible déclare qu'il est mort des suites des maladies. Ah, d'accord. Il est mort des suites des maladies, c'est ce que la Bible nous déclare. Mm-hmm. Et quand bien il est mort, vous voyez, j'ai entendu un prédicateur nigérian prêcher que Élisée ne savait pas quelle puissance il avait en lui, c'est qu'il devait se ressusciter. C'est quand même terrible comme prédication. Et parce qu'il dit que ses os contenaient la puissance, et c'est ça que je vous ai dit dans cette émission, c'est que Dieu est devenu le serviteur des gens. Les gens ne se soumettent pas à Dieu, attendent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils croient que c'est eux qui contrôlent Dieu. C'est pour ça que vous voyez, quelqu'un dit que je proclame qu'il y aura deux enfants dans ton ventre, en croyant qu'en disant comme ça, ça va s'accomplir. Si c'est pas Dieu qui a dit, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, les gens sont dans le désarroi comme ça. Donc, quelqu'un dit, on est venu jeter parce que dans ce livre de 1 Roi chapitre 13, lorsqu'on partait jeter quelqu'un, enterrer quelqu'un, il y avait les armées qui venaient, on a jeté dans le tombeau d'Élisée. Cet homme-là a touché le corps d'Élisée, ou à les os d'Élisée, il s'est réveillé. Ça n'a pas fait de temps à ce que désormais, on fait le pèlerinage pour toute personne qui soit morte et aller là-bas jeter sur les eaux d'Élisée. Parce que, en fait, si vous constatiez que cet os-là, le mort touchant les eaux d'Élisée s'est réveillé, prenez tous les morts, vous jetez là-bas, ça ne se fera pas. La Bible déclare qu'il y avait une femme dans Marc chapitre 8 qui, je crois que je vais déjà vite là dans cette émission, donc je ferai me découper là après ce thème-ci. Dans Marc chapitre 8, il y avait une femme qui avait une perte de sang de 12 ans, qui avait souffert entre les mains des médecins et qui, par la suite, s'est retrouvée dans la foule avec le Seigneur Jésus. Elle s'est dit en elle-même, s'il peut toucher seulement le bout de ses vêtements. Pourtant, tout le monde, les gens ont oppressé Jésus. Mais elle a touché son vêtement d'une certaine façon, elle a eu la guérison. Alors, tous les gens touchent Jésus. Les gens touchent Jésus, mais celle-là a touché, elle a eu la guérison. Pourquoi les autres personnes ont touché, n'ont pas eu la guérison? Donc, Dieu guérit selon son temps, selon son plan à lui. Donc, si quelqu'un n'est pas guéri, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas le guérir. Il y a un but pourquoi. Quand dans Isaïe chapitre 35, et c'est là par là où je vais sortir vraiment cette fois-ci, dans Isaïe chapitre 35, la Bible déclare donc que quand le Seigneur Jésus va venir au temps messianique, il y avait des boiteux qui vont marcher. Ça suppose qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent être malades à ce moment-là. Il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Donc, par conséquent, il faut qu'ils trouvent les boiteux, les aveugles là. Donc, quand bien même si cet aveugle-là est destiné à être là quand le Messie va venir, quand bien même il va prier n'importe comment avant que le Messie ne vienne, qu'il guérisse, il ne guérira pas parce que le Messie est censé faire. C'est ainsi dans le plan de Dieu. Si on comprend cela, on ne doit plus se lamenter pour quoi que ce soit. On va seulement dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, sur Dynamique FM, désormais les vendredis entre 20h30 et 21h. Et ce soir, donc, on parlera du baptême d'eau. Mais avant ça, on fait un round-up sur la thématique de la dernière édition de ce programme qui était bien celui de la maladie. Et vous pouvez nous joindre par SMS à partir de maintenant. Au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 62 02 84, et pour les appels directs qui sont désormais possibles, ce sera 20 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior, toujours dans le cadre de ce round-up, sur la thématique du chrétien et de la maladie, une fois que le chrétien tombe malade, est-ce qu'il doit aller à l'hôpital ou doit-il attendre sa guérison directement de Dieu? La dernière fois j'ai dit que Dieu commence à agir lorsque l'être humain commence à être incapable. J'ai dit la dernière fois également que les médecins ont les attributs de Dieu, sont des attributs de Dieu, parce que le grand médecin c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les médecins les plus sincères vous diront qu'ils ne guérissent pas parce que c'est Dieu seul qui guérit. Ah, il peut faire n'importe comment à leur niveau. Remarquez très bien, quand vous avez de la blessure, aucun être humain n'a le pouvoir de faire fermer cette blessure. Seul Dieu peut le faire parce que c'est lui qui peut renouveler. Est-ce qu'on peut avoir un exemple dans la Bible d'un chrétien qui a eu besoin des médicaments pour se guérir d'une maladie? En fait, j'en arrive là. Parce que, en fait, je vous ai dit la dernière fois que ça touche la problématique des chrétiens. Vous voyez, si on touche cette émission de cette façon-ci, on va toucher le cas de la guérison divine. Et le cas de la guérison divine, donc, parle de le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit veut dire la manifestation de Dieu au milieu de l'église. Malheureusement, nous nous trouvons dans l'église de l'Odyssée où le Seigneur Jésus se trouve à l'extérieur de l'église, désirant entrer. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois en terminant que soit quelqu'un décide de croire Dieu et attendre à sa guérison, et dans ce cas, croit vraiment qu'il a de croire Dieu jusqu'à ce que la maladie va jusqu'où ça va l'entraîner, même si ça doit l'entraîner jusqu'à la mort, que la personne décide de mourir. Vous voyez, effectivement, les gens peuvent tenir ferme comme ça pour le cas des marabouts, parce qu'il y a des chrétiens qui connaissent effectivement qu'on ne parle chez le marabout. Et quand et même dans la famille, on va menacer cette personne d'aller chez Marvin, il ne va pas. Mais on ne peut pas faire comme ça pour l'hôpital. Mais je vais dire ceci, le bras du Seigneur s'est tendu du côté, je vais vous expliquer quelque chose, on va y revenir véritablement dans la Bible, Dieu volant. Le bras du Seigneur s'est tendu vraiment dans les médecins, parce que ce sont ses attributs. Sinon les avocats ne seraient pas dans le monde, parce que Jésus-Christ est l'avocat par excellence. Sinon les juges ne seraient pas dans le monde, parce que dans Ésaïe chapitre 10, dont j'ai parlé la dernière fois, les gens qui sont à l'ENAM, qui sortent de l'ENAM, les codes de l'administration et de la magistrature, on leur enseigne cela, que le vrai juge c'est eux, que Dieu a prescrit cela par rapport au juge. Pourquoi Dieu fait comme ça? Parce qu'en réalité, il donne ses attributs dans les êtres humains. L'évangéliste par excellence, le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre par excellence, c'est lui encore. Maintenant, le ministère des guérisons, les dons de guérison sont donnés au milieu de l'église. Mais c'est pour eux donc au milieu de l'église dont se trouve les chétifs. Au milieu de l'église dont se trouvent les doctrines pernicieuses qui empêchent les gens de marcher par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et alors là maintenant, les bras séculiers maintenant, c'est le médecin. Donc en fait, le fait que quelqu'un, un chrétien, va vers le médecin pour avoir la guérison, ça ne veut pas dire qu'il manque de foi. C'est son niveau de foi là-bas. Ah, d'accord. Mais je vais dire véritablement, c'est là où l'église se trouve maintenant à l'antipode maintenant par rapport à la réalité spirituelle qui se trouve dans la Bible. Si l'église marchait dans la puissance du Saint-Esprit, les gens viennent. Puisque Dieu fait pousser les membres. Ah, d'accord. Enfin, il y a des maladies que quand même vous voudrez. Le médecin ne peut absolument rien. Comment pourrez-vous croire que quelqu'un qui est né, une femme qui est née sans trompe puisse concevoir? Humainement parlant, c'est pas possible. Mais Dieu peut faire concevoir quelqu'un sans qu'il ait des trompes. Pourquoi quelqu'un qui a le problème d'azospermie, comment les humains peuvent faire? Celui qui a le cancer des yeux, comment les humains vont faire? Vous voyez, il y a des maladies dont c'est hors compréhension humaine. Et puis maintenant, à ce niveau, lorsque les hommes cessent, alors Dieu peut commencer. Dans le milieu de l'église, on a deux alternatives. Soit on commence à s'appuyer sur le bras humain, soit on s'attend au Seigneur. Et pourquoi on s'attend au Seigneur? Il faut que donc, nous prions premièrement que Dieu donne les enseignants, les ouvriers selon lui. Quand il donne les ouvriers selon lui, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 verset 4 que lorsque les disciples allaient prêcher Jésus-Christ de Nazareth, ils accomplissaient le miracle en témoignant de leurs paroles, par les prodiges des miracles et divers guérisons. Dans Jean, Matthieu chapitre 10, lorsqu'il a envoyé deux à Dieu, il a dit qu'allez partout, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça ne se manifeste plus? On a commencé à vendre maintenant. Le Saint-Esprit s'est retiré. Pour que quelqu'un n'ait pas plus d'onction pour pouvoir vendre maintenant, avoir plus d'argent. Il faut que ce problème d'argent, de cupidité au milieu de l'église, qui est la ligne de séparation, soit tracée. Et le Saint-Esprit reviendra en profondeur. Ah, d'accord. Et donc, ce qu'on retient en fait, c'est que le chrétien qui est malade ne pécherait pas en allant chez le médecin. Absolument. Voilà. Mais s'il a la foi pour tenir au Seigneur, qu'il ait la foi et qu'il supporte. Et maintenant, ce qui concerne la transfusion sanguine, il n'y a pas de problème par rapport à la transfusion. Cette dérive de jéhoviste, je crois que la dernière fois j'en ai parlé, cette dérive jéhoviste des témoins de Jéhovah qui ont voulu. Enfin, vous savez, en Amérique, il y a eu plusieurs procès contre les témoins de Jéhovah qu'ils ont perdu, mais c'est Satan qui est derrière. Il n'y a pas de trace dans la Bible, quand bien ils vont vouloir tordre le sang des écritures pour dire n'importe quoi, il n'y a pas de trace qui interdit le sang. Qui interdit le greffage, par exemple, on peut greffer, on peut avoir la fracture, maintenant on dit qu'on fait le garrot pour redresser, pour que l'os puisse se fortifier. La même façon avec le sang. Dieu a interdit de consommer le sang, il parle de la consommation, parce qu'il peut parler de consommation intraveineuse, quand quelqu'un ne mange pas, on peut mettre la nourriture dans le truc. Mais la Bible déclare qu'on ne doit pas consommer le sang, on doit manger. Et Dieu a donné des exemples clairs dans la Bible qu'on ne doit pas tuer un animal, manger cru. Et nous avons vu traiter ces cas-là ici. C'est Dieu interdit cela, et dans le Nouveau Testament, c'est écrit. Donc, les témoins de Jéhovah ont besoin de délivrance. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous, désormais tous les vendredis à partir de 20h30 et 21h50 plus tard, on est forcément parti. Ce soir, on a Élise Étendel, la mise en onde. Mon nom est Billy Colin et on attend vos SMS au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84, pour les appels directs qui sont désormais possibles. C'est 20 minutes avant la fin de l'émission. Frère Junior, oui. Les apôtres ont été baptisés par Jésus-Christ. Non, pas Jésus-Christ, papa. Les apôtres ont été baptisés par Jean-Baptiste, c'est un des apôtres. Ah, d'accord. Oui. Qui est-ce qui a baptisé Jean aussi? Ah, mais c'est très bien, c'est une très bonne question. Mais permettez-moi avant d'entrer, parce que vous voulez vraiment m'allumer encore ce soir. Permettez-moi avant d'entrer dans cela, de saluer deux catégories de personnes que nous aimons particulièrement et qui, ces catégories de personnes, sont chères au Seigneur. Très souvent, nous parlons, nous prêchons et nous parlons des choses, nous les négligeons. J'aimerais saluer particulièrement tous les orphelins, ceux qui sont orphelins dans le monde entier, qui pourront les écouter. Pour ceux particulièrement qui sont scotchés ce soir, j'aimerais dire de prendre courage, que Dieu est le Père. Dieu est le Père et Dieu prend soin d'eux, même s'ils ne voient pas la même puissance de Dieu dans leur vie, Dieu œuvre. Jusqu'aujourd'hui, s'ils sont en train de m'écouter maintenant et qu'ils ont été orphelins depuis des années, Dieu est à l'œuvre pour les garder comme ça. Ah, il y a des gens qui ont des parents qui sont morts, mais ceux-ci sont vivants. Donc Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Et ça me pousse donc à saluer encore la deuxième catégorie, les veuves. Vous qui êtes veuve, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Prenez-le comme votre époux et qu'il soit votre fidèle époux. Vous allez avoir ce que vous n'avez pas pu avoir avec votre céleste, votre terrestre époux. Donc les orphelins et les veuves ce soir, un tendre et sincère amour adressé à votre égard ce soir. Il y a un amour particulier que j'ai pour vous ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je le fasse, mais que Dieu le bénisse, qui soutient les orphelins et les pauvres. Et qui particulièrement, il pousse les chrétiens à regarder dans cette direction-là, à faire du bien aux orphelins. Les orphelins, les veuves et par ricochet les étrangers. Nous avons les expressions xénophobes avec les mondains. Vous voyez effectivement, on taxe les Nigériens qui vont rentrer chez eux. Puis encore, vous voyez un anglophone s'exprime, on dit que tu es un Bamenda pour dire que tu dois rentrer dans le nord-ouest. De telles choses ne doivent pas se passer. Nous sommes frères, nous devons vivre ainsi. Il n'y a pas de barrière dans le corps de Christ. Donc un amour sincère, donc un soutien amical ce soir pour, et fraternel pour les veuves et les orphelins. Quand vous parlez de veuves orphelins, vous parlez seulement des veuves orphelins chrétiens ou même aussi ceux qui la sont Bible pas... La Bible n'a jamais mis orphelin là-bas et mettre chrétien devant orphelin. La Bible déclare que dans ce Jacques chapitre 2, que verset 27, que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Ah, voilà la religion pure et sans tâche. Donc l'Église, les êtres humains, et si il tire l'attention des chrétiens que Dieu n'a pas dit que c'est à l'Église d'aller le faire. C'est vrai que l'Église, d'après 1 Timothée chapitre 5, doit s'occuper des veuves qui appartiennent à l'Église. Mais la Bible déclare que si les fidèles ont des veuves, qu'ils apprennent à faire à leurs parents ce qu'ils les ont reçus d'eux. Donc, les chrétiens qui m'écoutent maintenant, pour vous qui ne savez pas comment s'aimer, voilà la source véritable là où Dieu attend les gens, chez les veuves. Cherchez autour de vous. Vous avez les veuves dans vos familles, vous avez les orphelins dans votre famille. Vous voyez, effectivement, il y a des gens qui gardent de l'argent en banque, dans l'optique. Il y a des gens qui ont fait des programmes sur 3 ans pour leurs propres enfants. Et ils ont des enfants à côté qui ne fréquentent pas. Ils ont des enfants qui n'ont pas d'habits, mais ils ont des quantités d'habits qui, plus tard, ils vont aller brûler. Les orphelins sont allés souffrir. Et Jésus a dit dans ce Matthieu chapitre 25 que chaque fois qu'on n'a pas fait ces choses-là, à ces un des plus petits qui croient en moi, c'est à moi qu'on ne l'a pas fait. Donc, chaque fois que nous allons s'aimer dans la vie des veuves, dans la vie des aveugles, des invives, des étrangers, des malheureux, c'est au Seigneur que nous avons fait ainsi. Et aussi, on peut profiter par là pour dire tous nos encouragements à toutes les personnes qui pensent aux veuves et orphelins, quel que soit de quelque origine, absolument, de quelque région que ce soit, absolument, de quelque nation que ce soit. Absolument. Les personnes qui pensent... Dieu les bénisse. Il y a des gens qui travaillent, qui ont l'amour, la liberté, pour que dont Dieu appelle à ces charges particulièrement. Ah, que Dieu les encourage. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, les personnes qui travaillent particulièrement dans cette œuvre-là, que Dieu leur donne, même s'il y a des moments de faiblesse, des moments pour baisser le bras, Dieu pourvoit. Ah, Dieu pourvoit. Si Dieu a appelé quelqu'un à une charge, il va donner le nécessaire pour pouvoir pourvoir à ces besoins-là. Assez réconfortant. Merci dans tous les cas, M. Frère Junior, pour cette conscientisation et encouragement qui en vaut la peine. Hein? Oui, je demande pardon à Dieu parce que de temps en temps, nous avons eu à frapper ici. Vous savez, dans les dénominations, vous allez voir effectivement comment les gens, du haut des chairs, prêchent. Les veuves, vous allez voir une veuve va prendre, elle lui reste 200 francs qu'elle puisse acheter du riz et préparer avec pour ses enfants. Elle va payer le taxi pour venir là-bas. Et ces 200 francs, on va leur dire, marchez à pied, venez à l'église, donnez cela, Dieu va vous pourvoir. Est-ce que c'est grave? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et ce qui est curieux, c'est que même ces veuves-là croient qu'en faisant comme ça, donnent au Seigneur. Elles ne savent pas que ce sont des serviteurs de Dieu qui doivent les donner. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur. Mm-hmm. C'est quand même terrible ce qui arrive. Remarquez dans Acte chapitre 6, je ne sais pas, il ne faut pas que nous allons ce soir, Billy, que nous n'allons pas dans cette direction. Dans Acte chapitre 6, nous voyons effectivement qu'il y avait Mumu au milieu de l'église selon la distribution qui se faisait chaque soir. Mais les pasteurs ne font que fustiger les veuves et les orphelins. On amène chaque jour pour qu'ils construisent leurs briques, leurs tombeaux blanchis. Vous allez voir effectivement comment quelqu'un a commencé à construire un projet, ce qu'ils appellent l'église. Depuis 5 ans, il n'a pas terminé. Il dit il va venir à l'assemblée annoncer qu'il y a déjà 100 millions en banque. Les veuves aussi vont applaudir pour dire que notre pasteur est en train de construire une grande église. Et elles ne savent pas que c'est à elles que ces 100 millions devaient être destinés. La Bible déclare dans ce chapitre 6 donc que par rapport à la distribution qui était faite au milieu de l'église, les veuves helléniques commencent à murmurer contre les veuves hébreux par rapport à la distribution. Et là maintenant, on a choisi les 7 diacres pour pouvoir se consacrer, pour qu'ils soient consacrés à cette charge-là. Donc il y avait une distribution au milieu de l'église qui passait. Maintenant aujourd'hui, quand l'argent entre, c'est au milieu des, c'est entre le pasteur, sa femme et ses enfants qu'on connaît ce qui se passe. Il dit seulement que vous êtes ici pour venir, vous n'êtes pas venu nous juger ici. Alors les gens donnent l'argent et curieusement, je dis comme je disais, les chrétiens entre guillemets disent que mon rôle c'est de donner. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe là-bas. Ils sont intéressés à savoir dès maintenant. Donc les veuves, les orphelins, les étrangers, c'est le rôle de l'Église de les soutenir. Et en même temps, on peut dire que la crainte de l'Éternel soit sur toutes ces personnes. Absolument. Qui de manière abstraite et subtile escroquent les personnes. Ils ne savent pas sur quel terrain ils dansent. Ils ne savent pas parce que s'ils lisaient un peu la Bible déclare que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Défenseur des veuves. Quand on dit défenseur des veuves, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu touches la veuve, enfin, il a dit dans la Bible que si vous déplacez la borne de l'orphelin, c'est Dieu qui va en répondre. Il faut qu'on fasse attention. Voilà, on va monter un petit peu en générique avec Elise Tondet, toujours à la mise en œuvre de ce programme. Bienvenue à tous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte. Magnifique chanson de Eric et Kaïba Reis qui demande à tous et à chacun de prendre courage. D'abord aux chrétiens et aussi à toutes les personnes qui visitent les veuves, comme vous l'avez dit, hein, frère Junior. Absolument. De prendre le courage, c'est pas souvent facile de s'adonner à cette tâche, mais il faut avoir la foi et prendre courage quand même. Il faut cette chanson. Il faut avoir la foi. Cette chanson de Eric Kaïba Reis qu'on va donc entamer le sujet de ce soir, frère Junior, oui. Qui est la question du baptême. Donc, oui. Avant de faire le brèche, j'avais posé la question de savoir si qui est-ce qui a baptisé Jean à son tour? Voilà. En fait, vous parlez là des baptêmes d'eau. En fait, parce que Jean-Baptiste venait avec le baptême d'eau. Voilà. Lorsque, et ceci encore, je crois que le temps nous permettra, donc je vais aller vraiment doucement pour expliquer ceci. Les périodes de transition dans le plan de Dieu sont les périodes délicates. Vous allez voir effectivement, ces mêmes choses-là sera dit maintenant par rapport aux apôtres aussi, quand on va avec le nouveau baptême maintenant, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait. Mm-hmm. Donc, quand Jean-Baptiste sort du désert et que Dieu l'envoie aller baptiser, la question devrait se poser, qui l'a aussi baptisé? Qui l'a aussi baptisé pour qu'il le fait? Dieu ne lui a pas exigé d'être baptisé, mais lui, il vient commander que les gens doivent être baptisés. Donc, Jean-Baptiste n'a pas été baptisé dans l'eau par quelqu'un, parce que c'est lui qui était quoi, le prophète transitionnaire. Mm-hmm. Il n'a pas besoin d'être baptisé, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le baptiser, parce qu'il est le prophète transitionnaire. C'est ça qu'il dit, les périodes de transition sont délicates. Par exemple, vous allez prendre entre Abraham jusqu'à Moïse. Vous n'allez pas demander à Moïse que comment, pourquoi ce n'est pas Abraham sur la loi d'Abraham, la loi qui était sous Abraham, la façon que Dieu fonctionne sur Abraham, qui a fait en sorte que Moïse soit comme ça. Moïse est législateur, donc celui qui donne les lois, c'est lui qui dicte les lois. Remarquez très bien, vous voyez, Moïse, comment, il prend qui? Il prend une femme égyptienne, une femme éthiopienne pour femme. Dans la loi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que vous n'irez pas vers ce peuple-ci pour prendre des femmes, pas vrai? Alors maintenant, pourquoi vous ne dites pas? Remarquez très bien comment sa soeur et son frère ont murmuré et Dieu a frappé de la lèpre. Donc c'est pour dire qu'on fasse attention. Les périodes transitionnelles, on ne peut pas dire que Moïse, enfin, quand il a quitté l'Égypte, il a allé 40 ans, il a pris Séphora, sa femme. Une mandianite, une éthiopienne. Alors, Dieu n'a pas dit que Moïse, fais attention parce qu'il faut que tu règles d'abord ta vie parce que plus tard tu vas venir aussi dire aux gens comme ça. Non, c'est un législateur. Pourquoi? Parce que derrière chaque type, derrière chacune de ces choses-là, c'est un type. C'est un type de Christ qui prend une épouse parmi les païens. Ah, vous voyez? Donc ça veut dire que si on ne comprend pas le plan de Dieu, on va commencer à dire que Dieu est injuste de ce côté, il n'est pas injuste. Donc Moïse est un type de Christ qui va prendre l'épouse chez les païens. Chez les païens pour avoir des enfants. Donc nous comprenons que. Les apôtres et les prophètes transitionnels n'ont pas besoin parce qu'en fait c'est eux qui apportent ce message. Il ne peut pas apporter ce message et entrer dans l'eau se baptiser lui-même. Jean-Baptiste venait, il dit celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descend, celui qui baptise le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Donc, c'est de la même façon, Jésus n'a pas besoin aussi de se baptiser du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, de la même façon. Et vous voyez effectivement, vous allez voir effectivement qu'il y a la période, l'intervalle entre Jean-Baptiste et la venue du Seigneur Jésus-Christ qui marche sur la terre, parce que c'est les deux, ils côtoient ensemble jusqu'à ce que l'autre décroisse et Jésus-Christ croit. Après, Jésus-Christ quitte la scène, maintenant, un nouveau donné des baptêmes, il est là. Je crois que nous allons examiner tout cela. En même temps, on voudrait bien savoir, Frère Junior, c'est quoi le baptême d'eau? C'est vrai que c'est une question qui paraît un petit peu élémentaire. Oui. On a bien besoin de savoir. Hein. Mais qui concasse les théologiens aujourd'hui? On a bien besoin de savoir. C'est quoi le baptême d'eau bibliquement? Donc, disons ça simplement, que baptême, puisque c'est écrit dans la Bible baptême, baptême vient du grec baptizo, mm-hmm. qui veut dire plonger dans, immerger. Ah, d'accord. Donc, quand on dit baptême, ça veut dire qu'on plonge dans l'eau. Mm-hmm. Donc, aussi au simple mot pour qu'on puisse comprendre. Donc, c'est la Bible qui nous donne le modèle et c'est la langue originale qui donne le modèle. Que quelqu'un n'étant pas d'aller dans le dictionnaire Larousse pour essayer de chercher la définition du baptême. Mm-hmm. Parce que la Bible donne un exemple. Si ça ne se comprend pas, ça explique et on met en pratique. La mise en pratique donne la définition. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez nous expliquer en fait au travers de la Bible effectivement, ce que c'est que le baptême. Le baptême. Donc, nous voyons effectivement ici. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 3. Vous m'avez vraiment là ce Allons-y, soir. Frère Junior. Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous aussi participer, faire l'émission avec nous jusqu'à 21h50. Et donc, faites-le par téléphone au travers du 671 34 54 14, 691 60 02 84, SMS uniquement et appel direct 20 minutes avant la fin de ce programme. Bonjour, bon arrivée pour tous les catholiques qui nous écoutent maintenant. Bienvenue à tous les protestants qui nous écoutent maintenant. Et puis, très bien, bon écoute également pour les pentecôtistes et les témoins de Jéhovah et tous les autres confessions religieuses qui nous écoutent maintenant. Parce que nous touchons là, puisque dans votre introduction, vous avez parlé des débats et des contradictions qui se trouvent là. Voici l'une maintenant. Ah, d'accord. C'est pour ça que je les salue particulièrement, parce que nous allons les titiller ce soir. Donc maintenant, Matthieu chapitre 3, si vous permettez. Allez-y, Frère Junior. Dans Matthieu chapitre 3, c'est là où ça commence avec le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » C'est quand même évocateur dès le départ. Mm-hmm. Ici, la Bible déclare, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. » Vers Jean pour être baptisé par lui. Remarquez très bien directement. Ici, c'est en arrêtant le verset 13 déjà de Matthieu chapitre 3, on peut s'arrêter là et ça règle le problème. On dit que c'est le Seigneur Jésus. Souvenez-vous, Jésus, Jean-Baptiste a dit de Jésus-Christ que Jésus a été avant lui. Il n'est pas digne de délire le courroie de ses sandales. Mais c'est Jésus-Christ qui quitte la Galilée, comme dit la Bible au verset 13 ici, et s'en va au Jourdain. Le Jourdain, c'est un cours d'eau qui se trouve en Israël. Pour être baptisé par Jean. Mm-hmm. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est soumis à sa propre loi. Ah, d'accord. C'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste dans le désert pour venir prêcher le baptême. Mm-hmm. Et c'est le voici en C'est Jésus-Christ qui a envoyé Jean-Baptiste. Absolument, puisque la Bible déclare dans ces matchs chapitre 22 et 23 là, que c'est lui qui envoie les prophètes. Il n'y a pas deux personnes qui envoient les prophètes. C'est Jésus qui envoie les prophètes. D'accord. Donc je crois que vous voulez toucher là la divinité. On va y revenir dans C'est quand même étonnant de comprendre que Jésus-Christ a envoyé Jean-Baptiste. C'est lui qui l'a envoyé. Parce qu'il faudrait bien expliquer. Hein. Il est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Celui qui l'a commissionné. Ah, d'accord. Envoyé. Oui. C'est même lui qui l'a baptisé dans le ventre. Bon. Matthieu chapitre 3, le verset 13 dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Donc, Billy, ne me fais pas titiller les gens ce soir. Donc, le verset 13 dit « Alors Jésus vint de la Galilée. » Je vais qu'on s'arrête avant d'entrer en profondeur. Nous voyons effectivement Jésus, malgré sa grandeur, il est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Aujourd'hui, sous prétexte de renom, comme nous sommes premiers ministres, nous sommes délégués, nous sommes ministres, on ne peut pas descendre dans l'eau parce qu'on est très, très, très haut dans la République. Est-ce que c'est terrible, Frère Junior? Il est fort la délivrance. Pas au ministre là, pas au gouverneur là, mais au pasteur, au prêtre qui l'administre cela. Vous voyez effectivement que dans ce pays, vous voyez effectivement les fils des chefs de l'État vont jusqu'au Vatican pour qu'on le verse l'eau sur la tête. Il s'est dit qu'il est baptisé. Il s'est dit qu'il est en règle avec le Seigneur. Que le président revient à l'ordre avec ses enfants. Donc maintenant ici, regardez le verset 13, il dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Donc je dis « Jésus vint en Galilée, de la Galilée vers le Jourdain. » Le Jourdain, je suis en train d'insister pour que les gens comprennent. Le Jourdain, c'est un cours d'eau. Ah, Jésus a quitté de chez lui, dans son village, dans sa patrie, pour aller vers Jean-Baptiste. Le lieu où il fallait se baptiser, c'était au Jourdain. Ah, d'accord. Et enfin, parce que Jean-Baptiste était là-bas, parce que il va aller, si Jean-Baptiste va à Siloué, les gens vont le trouver là-bas parce que c'est lui qui baptise. Ah, d'accord. Alors, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens en moi. Donc nous comprenons effectivement que Jean-Baptiste connaît que la personne qui est devant de lui maintenant est plus grande que lui. Ah, oui. Puisque après, chaque personne venait, il ne posait pas de questions, il vous plongeait dans l'eau. Maintenant, la Bible déclare, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc tout ce qui est juste, nous devons l'accomplir. Et Jean ne lui résista plus. C'est terrible. Dès que, remarquez bien verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, remarquez le mot qui est écrit, il sortit de l'eau. Ah, d'accord. On dit dès qu'il a été baptisé, donc dès qu'il a été plongé, il sortit de l'eau. Oh, c'est celui qui sort de l'eau, il est entré. Il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et cette voix fit entendre le Seigneur. Nous voyons effectivement, la première chose à faire, c'est que nous voyons que le modèle, si quelqu'un se dit chrétien, je crois que j'ai commencé là parce que pour que les gens qui se disent chrétiens examinent leur baptême à la lumière de ce que Jésus a fait. Ah, d'accord. Fondamentalement, d'abord le baptême, on doit être plongé. Donc si quelqu'un m'écoute maintenant. Pas forcément dans le Jourdain. Non, pas forcément. Enfin, puisque le témoignage des Écritures disent que ce n'est pas seulement dans le Jourdain qu'on a baptisé. Ah, à l'Union Éthiopienne, dans Acte chapitre 8, on l'a baptisé là-bas sur la route qui descend à Gaza, celle qui est déserte. Donc il y avait un cours d'eau là-bas. Ah, on l'a baptisé là-bas. En Samarie, on a baptisé les gens. Philippe a baptisé les gens là-bas, dans Acte chapitre 8, toujours. Parce qu'il y en a qui vont des pays lointains pour se rendre en Israël, le Jourdain, pour se faire baptiser. En fait, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont avoir l'expérience spirituelle. C'est ça qui est arrivé à cette dérive-là. C'est le commerce qui est dérivé. Parce que vous allez voir les pasteurs qui font cela, ils partent en charter. Parce qu'ils vont faire les contributions, sachant qu'ils auront les réductions sur les frais et autres. Là, ils vont entrer dans le compte en banque. Les gens croient peut-être qu'en ayant baptisé, entrer dans le tombeau qu'ils ont appelé tombeau de Jésus, ils ont une expérience spirituelle. Mm-hmm. En fait, il y a même un prophète dans cette vie qui a dit que sa révélation a eu lieu lorsqu'il s'est couché dans le tombeau de Jésus. Et puis, il a eu une vision. Dieu lui a dit que je te donne le prophète des doigts là. Vous voyez effectivement des dérives comme ça. Donc, un démon l'a possédé là-bas en Israël. Donc, vous voyez, dans ce livre de Matthieu chapitre 3, nous voyons que le Seigneur Jésus nous a donné le modèle. Le modèle, c'est aller vers les gens qui doivent baptiser. Quelqu'un ne peut pas se baptiser seul. Mm-hmm. Dieu a demandé à certaines personnes de le faire. Donc, tu ne peux pas dire que non, il n'y a plus de personnes ici dehors, moi je me baptise. Ce n'est pas possible. Tu dois aller vers quelqu'un. Maintenant, qui sont ces personnes? Parce que ça fait partie des questions que je devais vous poser sur le baptême. Donc, je vous ai dévancé là. Qui sont ces personnes qui devraient baptiser, hein, vers qui on devrait aller pour se faire baptiser? Bonne question. L'une des choses, dont, et c'est là maintenant que ça va surprendre beaucoup ce soir, et je rends grâce à Dieu pour cette question. L'une des choses qui a caractérisé maintenant le manque de discernement dans l'église, c'est le fait qu'on ait abandonné l'écriture au profit de ce qu'on appelle le clergé aujourd'hui. Mm-hmm. D'après, si vous entendez le clergé dire que parler de baptême ou bien de ces choses, vous allez voir effectivement qu'ils vont parler que l'onction, le sacerdoce est une chose spéciale, il ne faut pas que n'importe qui s'y approche. Ils vont parler comme ça en touchant le sacerdoce lévitique, et nous allons parler des différents sacerdoces dans la Bible. Mm-hmm. Mais vous allez voir effectivement que si vous lisez la révélation des écritures, montre dans le Nouveau Testament que tous les chrétiens font partie du sacerdoce. Tous les chrétiens font partie du sacerdoce, donc sont sacrificateurs selon le livre de Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible déclare que vous êtes une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Donc tous les chrétiens, dans Apocalypse chapitre 5, verset 10 et verset 20 également, la Bible déclare qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Bon, pas un royaume, il a fait de nous des royaumes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mm-hmm. Donc tous les chrétiens sont sacrificateurs. Et sur ce, donc, nous sommes dans le sacerdoce. Aucune personne n'a de la priorité par rapport à l'autre. Ah, donc nous sommes tous au même niveau. C'est seul le souverain sacrificateur qui est élevé en classe, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le type de Melchisédek. Donc nous voyons effectivement que la question c'est, qui peut donc baptiser? Tout disciple du Seigneur Jésus-Christ, comme nous allons voir dans la Bible, tout disciple du Seigneur Jésus-Christ baptise. Prenons un exemple simple. Je vais expliquer parce que le détail est long, je vais expliquer et les gens vont vérifier à la maison. Allez-y, frère Junior. Lorsque vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 10, vous allez voir effectivement comment l'apôtre Paul était sur son toit là-bas à Joppé. Pendant qu'il est en train de déjeuner, l'ange va envoyer, donc je paraphrase rapidement, il s'agit de l'histoire de Corneille. Mm-hmm. La Bible déclare que six frères, et là je vais tomber rapidement, après avoir expliqué, ça va tomber rapidement pour qu'on y voit ce qui est écrit. La Bible déclare que six personnes l'ont accompagné. Six personnes parmi les frères qui étaient avec lui ont accompagné Pierre vers l'appel où l'ange l'a envoyé appeler. Il va arriver chez Corneille, il va prêcher. À partir du chapitre 37, quand il va commencer à parler, le Saint-Esprit va descendre sur tous les auditeurs qui écoutaient la parole de Dieu. Donc maintenant, prenons maintenant Actes chapitre 10 vers la fin et observons ce qui se passe. Mesdames, messieurs, vous pouvez envoyer des messages pour soit poser des questions, soit témoigner d'intérêt à cette émission qui est produit ce soir à la technique par Élise Etondé au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Elle également écoute la parole de Dieu en hochant la tête. Puisse le Seigneur faire pénétrer ses paroles sur son cœur. Maintenant, dans Actes chapitre 10, le verset, je prends à partir du verset 44, donc, la Bible déclare comme Pierre prononçait, je suis en train de répondre à la question, qui doit baptiser? Mm-hmm. Qui peut baptiser en milieu chrétien? Qui est-ce qu'on doit aller pour se faire baptiser? Voilà. Nous y sommes. Lisons ici, et la Bible va nous répondre, parce que si je réponds par mes pensées, je peux avoir tort. Maintenant, quand l'Écriture va le dire, ça va être solennel. Mm-hmm. Comme Pierre prononçait encore ces mots, je suis dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Maintenant, voici le mot, verset 45. Je verrai bien que vous saisissez à la maison. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Donc, souvenez-vous de ceci. Pierre était à Joppé. Chez Corneille, c'était des païens qui y étaient. Donc, Pierre a été envoyé, appelé par l'ange, et en partant, il est parti avec des fidèles. La Bible déclare ici, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Donc les frères qui sont venus avec le quoi Pierre, en dehors d'eux, qui étaient là-bas, il y avait Pierre et six personnes. On va découvrir le nombre de personnes tout à l'heure là. Mm-hmm. Les six personnes qui étaient avec Pierre, c'est eux seulement qui étaient des chrétiens là, à ce moment-là. Quand l'apôtre Pierre a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur l'assistant, donc sur les païens. Mm-hmm. C'est la première église païenne ici là maintenant. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les païens, à cet instant, le constat était fait par les gens qui sont venus avec l'apôtre Pierre. On les appelle les circoncis, donc les juifs qui étaient au milieu chrétiens. Verset 46 dit. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Maintenant, regardez bien verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. On n'a pas dit que l'apôtre Pierre les a baptisés. Je vais avant une petite parenthèse. Oui. Tenez bien le fil pour pas que je le coupe. Oui. Vous avez dit là qu'il les entendait parler en langue. j'ai bien... Le désir que vous nous expliquiez en quelques secondes, comment se manifeste parler en langue? Le parler en langue, comme vous avez dit en quelques secondes. Est-ce du charabia? Non, ce n'est pas le charabia. Parce qu'on a dit sur le parler en langue, c'est un langage donné par le Saint-Esprit d'un autre dialecte de quelqu'un qui ne connaissait pas. Par exemple, un Éthiopien qui parlerait le grec sans avoir appris. Donc, on va y revenir. Donc, je vous vois venir là maintenant. Maintenant, verset 47 dit... Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours après eux, auprès d'eux. Maintenant, regardons ici l'apôtre Pierre, la Bible déclare que Pierre ordonne. On va y revenir lorsque nous allons entrer en profondeur par rapport à aller réfléchir pour être baptisé, aller acheter l'habit de Noël, l'habit de blanc là, et donner, parce qu'il y a certaines personnes qui passent des catéchèses pour être baptisés. Mm-hmm. On va toucher tout ça, Dieu voulant. Maintenant, Dieu merci pour ce temps qu'on nous a donné vraiment. Il ordonna qu'ils fussent baptisés. Le mot dit il ordonna. Donc, il y a l'apôtre Paul qui donne des injonctions à une autre personne de baptiser ceux qui viennent de recevoir le Saint-Esprit. Or, la Bible nous a dit, ce sont les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Ce n'est que eux qui pouvaient baptiser. Maintenant, regardons au chapitre 11. Maintenant, nous tombons au chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis, voilà encore la terminologie, les fidèles circoncis lui adressaient les reproches. Non, c'est quand même terrible. Ceci n'a pas de titre. Mm-hmm. On parle de l'apôtre Pierre qui, dans l'évangile, le Seigneur Jésus a dit que sur toi, j'ai bâti mon église. On va toucher aussi l'église là. Mm-hmm. Je crois qu'on en a parlé déjà plusieurs fois ici. Bon, maintenant, sur Pierre, oui. Vous pouvez y aller pour ceux qui veulent l'avoir. Donc, l'émission qu'on a faite sur l'église, vous pouvez aller sur la chaîne Bamba Iba dans YouTube pour télécharger. Hein. Absolument, c'est gratuitement. Gratuit, oui. Gratuitement. Donc, nous voyons l'apôtre Pierre. Il y a des choses là à dire dans la Bible parce que c'est plein là des choses de Dieu. L'apôtre Pierre. Qui a ce qu'on appelle le brassard, va vers le Seigneur, va vers l'église, il prêche, il revient, les fidèles lui font des reproches. Aujourd'hui, quand quelqu'un, un pasteur, a sa vision, entre guillemets, il demande aux gens, quand quelqu'un veut le contester par rapport à quoi, ils vont lui demander, tu étais là quand Dieu m'avait donné la vision, tu es qui pour me poser des questions. Et c'est terrible avec les chrétiens d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de poser des questions. Quand vous posez des questions, on te dit, toi-même, tu sors de quel âge? Tu es qui pour commencer à parler à l'homme de Dieu? C'est loin de Dieu, c'est très très loin de Dieu. Effectivement, cette personne est très très loin pour dire éloigné de Dieu. Ah d'accord, donc, à distance. Ne me dites pas que c'est fini là. Non, c'est pas fini. Okay. Je dis loin par rapport à la distance. Ok, ok. En fait, loin par rapport à la distance. Pas loin en tant que l'esprit. Parce que si quelqu'un est loin de l'esprit de Dieu, il va comprendre l'humilité et la parole de Dieu. Je sens de m'atteler ici pour dire que l'apôtre Pierre qui avait reçu la clé du royaume donnée par le Seigneur Jésus-Christ n'a pas contesté le fait en disant vous êtes qui le verset fidèle, c'est conséquent. Le Seigneur Jésus-Christ me parlait, quand il m'a dit face à face que allez paix mes bébés, est-ce que vous étiez là? Il n'a pas donné cette révélation là. Mais la même chose va être faite avec l'apôtre Pierre, Paul, dans chapitre 17, au verset 11. On dit les chrétiens de Béré, les juifs de Béré étaient plus noble. Ils recevaient la parole avec empressement et examinaient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact selon les Écritures. Donc ils prenaient les Écritures et comparaient ce que l'apôtre Paul a examiné, enseigné. Or, l'apôtre Paul avait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il avait reçu un ministère, mais les gens osaient le confronter avec les Écritures. Mais aujourd'hui, quelqu'un dit, tu es qui pour me parler? Maintenant, avançons ici, c'est même pas le sujet. Verset 3, en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur expliquer, je suis bien-aimé frère à la maison, je suis dans chapitre 11 là, à partir du verset 4 là maintenant. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Vous voyez, donc Pierre a commencé à aller doucement en leur expliquant pour qu'ils puissent saisir. C'est ça vraiment l'amour et l'humilité. Par la suite, il va expliquer ce qui est arrivé. La tâche, après la Bible déclare, les regards fixés sur cette nappe, sautons là rapidement pour y arriver. Prenons à partir du verset 12. L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Remarquez bien, dans le verset 12. Les six hommes que voici m'accompagnent. Donc, l'apôtre nous rend compte que les fidèles circoncis qui étaient avec lui dans cette maison-là, ils étaient au nombre de six. Maintenant, la Bible déclare, nous entrons dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu l'ange dans sa maison. Donc, il dit verset 15, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Mm-hmm. Alors, l'apôtre Pierre explique exactement ce qui s'est passé dans chapitre 10. Il a expliqué, il a dit que ce sont les six hommes qui étaient avec lui. Or, la Bible déclare dans chapitre 10 là qu'il a ordonné qu'il soit baptisé. Donc, c'est pas l'apôtre qui a baptisé, il a ordonné à ceux qui étaient là-bas. D'accord. Donc, ce sont les fidèles qui ont baptisé. Mm-hmm. Donc, on n'a pas besoin, pour conclure, on n'a pas besoin de titre pour baptiser. Il suffit d'être disciple de Jésus-Christ. Mm-hmm. Si on est disciple de Jésus-Christ, on est prêt pour baptiser. Donc, on n'a pas besoin d'aller forcément vers le frère Junior pour être baptisé. Non, mais enfin, ça fait depuis des années, c'est pas pour baptiser. Comme l'apôtre Paul a dit que j'ai été envoyé, envoyé pour restaurer l'église, la doctrine dans l'église. Alors, et maintenant, à quel moment est-ce qu'on doit se faire baptiser? Voilà. En fait, c'est Jésus-Christ qui va encore régler le problème. Dans Marc chapitre 16, il a dit au verset 15, il dit, allez, faites des nations, enfin, allez prêcher partout dans le monde entier. Celui qui croira, et c'est ça le danger, celui qui croira et qui sera baptisé. Il y a une conjonction de coordination qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, l'Église s'attelait à sortir des encycliques avec des dogmes où il a dit, il faut qu'on baptise le nouveau. De toute façon, dès le départ, on a compris, un, que le baptême, c'est pas plongeant. Ils savent qu'il ne peut pas plonger un être humain. Vous voyez, il y a la philosophie qui commence. Si on est en Sibérie, qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, tu n'es pas en Sibérie. Si tu es en Sibérie, s'il y a l'eau glacée, on va te plonger dans le glaçon. Si tu es dans le désert, où est-ce que l'eau va se passer? Si tu es dans le désert, comment tu vis dans le désert? Le nid, tu peux marcher dans le désert, Dieu a frayé le chemin pour qu'il y ait l'eau. Quand Agar fuyait Abraham, quittait la femme d'Abraham là-bas, elle arrivait quelque part, Dieu a suscité un puits d'eau qui était là-bas dans le désert, qui a créé le puits d'eau. Donc, il ne faut pas qu'on fasse le fuite en avant. Et on doit seulement se baptiser. En quelque lieu que quelqu'un écoute l'évangile, la Bible déclare celui qui croira. C'est pour ça que je dis tout souvent aux gens, si quelqu'un résiste au baptême, il n'a pas cru. Ah, quel qu'en soit ce qu'il va réciter, c'est le témoignage des Écritures qui le dit. Parce que tous ceux qui ont cru pour la première fois ont été baptisés. Voici une preuve. Mm-hmm. Voici Corneille dont l'ange envoie appeler à Joppé, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre vient, il commence à prêcher. Parce que l'ordre des missions est clair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'apôtre Pierre commence à prêcher. Il remarque très bien qu'ils ont reçu le témoignage de scellement du Saint-Esprit. Comme eux au commencement, il a compris que la prédication était terminée. Dieu avait approuvé leur foi en leur donnant le baptême du Saint-Esprit. Alors il a dit qu'il leur reste le baptême. La Bible déclare, suivez bien le mot dont j'ai parlé tout à l'heure. Il ordonna qu'il fût baptisé. Corneille n'a pas dit, explique-moi un peu le baptême. L'apôtre Pierre n'a pas dit que allez réfléchir avec vos familles, vous qui êtes dans ces maisons, pour voir si vous allez vous baptiser. Il n'a pas dit, faites le catéchisme 3 années pour avoir la licence en catéchisme pour être baptisé comme on fait aujourd'hui. L'apôtre Pierre n'a pas dit, attendez, je vais à Jérusalem consulter les anciens qui sont comme moi pour savoir comment on va vous baptiser. Il n'a pas dit, je vais déléguer Philippe qui va vous enseigner le catéchisme des B à B, les rudiments, pour que vous sachiez dans quelle voie vous vous engagez. Vous voyez les dérives qui arrivent aujourd'hui. Donc l'être humain a l'intention d'encadrer les autres êtres humains pour qu'ils ne quittent pas la voie de Dieu, alors que lui-même ne sait pas s'il est dans la voie. Les choses de Dieu doivent être faits à la manière de Dieu. Mm-hmm. Et si Dieu conduit quelqu'un à la chose de Dieu, il va travailler avec lui et pour lui. Et si c'est avec lui et pour lui qu'il travaille, il va travailler selon lui et pas lui. S'il ne travaille pas selon lui et pas lui, il travaille pour le diable. Mm-hmm. Quel qu'en soit ce qu'il va faire. Ah, c'est ça la théologie. Ah, donc nous voyons effectivement que dans la Bible, ceux qui ont cru pour la première fois ont été baptisés instantanément. Mm-hmm. Il n'y a pas eu d'ajournement du baptême. Il n'y a pas eu des gens où ils ont été. Je reconnais aujourd'hui, c'est fort. Aujourd'hui, vous entendez quelqu'un a cru en 97, il est baptisé parfait parce qu'on a tellement embrouillé le bateau, vous entendez quelqu'un s'est baptisé même 4 fois. Pour la petite histoire, il y avait une fois la femme de pasteur qui m'a amené une personne baptisée. En ce temps-là, j'ai baptisé encore dans les eaux. Alors je suis allé dans l'eau, je savais très bien qu'elle n'était pas en règle. J'ai commencé à parler de ce garçon-là du baptême exprès à côté de l'eau. Vous savez, c'est la femme du pasteur. Mais sachant, elle pensait que c'était à ce garçon que je m'adressais. Parce que c'était pour ce garçon, s'il n'était pas là, je serais entré dans l'eau, je le plongeais dans l'eau au nom du Seigneur et je serais parti. Mm-hmm. Quand j'ai fini d'exposer, je suis allé baptiser l'enfant. Elle m'a pris de côté. Elle a dit que frère Junior, en entendant parler, moi, je ne me suis pas baptisé. J'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire un peu parce que ça avait touché son effet. Et elle m'a dit, si j'entre encore dans l'eau, ça sera la 4e fois que j'entrerai dans l'eau. J'ai dit, si j'étais exposé les Écritures. Donc vous entendez, oui, effectivement, que on a tellement embrouillé, j'ai dit, je reconnais que le christianisme du 19e, 18e, 21e siècle, ce sont des christianismes vraiment métamorphosés. C'est du gris mélangé avec du noir. Donc on voit effectivement que la confusion, les ténèbres et l'obscurité sont au milieu du peuple maintenant, mélangés avec la Babylone. C'est cette chose qui conduit tant, c'est que vous voyez, les gens sont embrouillés. Vous allez voir, quelqu'un va dire qu'il a cru en 2008. Il dit, d'autres personnes même enseignent sous le temps de l'église qu'on n'a plus besoin de baptême. Que si tu es ange, que tu n'as plus besoin de baptême. Puis encore, il y a un autre démoniaque du côté de la Côte d'Ivoire, dont des disciples sont encore ici au Cameroun et partout dans le monde, appelé Kakou Philippe, qui dit maintenant qu'il faut se baptiser pour la restitution, en prenant tous les attributs de Jésus-Christ pour que les gens se baptisent maintenant. Donc, il dit Jésus-Christ est venu comme un prophète en son temps, et il s'étale en prenant, par exemple, Jean chapitre 9, verset 32, où Jésus-Christ dit que pendant que j'étais dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais il oublie qu'il a dit à ses disciples qu'il avait tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a oublié qu'il a dit clairement que allez faire les nations, vous allez prêcher, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'à la fin, jusqu'aux extrémités de la terre, alors vient de la fin. Donc c'est la prédication du Christ qui sera prêchée. Le N être humain vient, il dit qu'il est le prophète maintenant en ce temps. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez en enfer. Est-ce que il c'est grave que, il croit que, non, en fait, son père l'a envoyé pour essayer d'effrayer les gens en croyant que peut-être si on effraie les gens, on va aller en enfer parce qu'on a peur de l'enfer. Nous ne savons pas Dieu parce qu'on a peur de l'enfer. C'est lui qui ira là-bas avec tous ses oies là. Ils vont aller là-bas parce que dans Apocalypse chapitre 12, verset 14, donc il se tague être le prophète. Il a dit clairement que son message c'est les deux ailes des aigles pour pouvoir les envoyer dans le désert. Vous voyez, là ils entraînent. Nous allons dans la félicité, lui il va dans le désert. Donc tous ceux qui suivent Kakou Philippe en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, ils sont en train de se diriger clair en enfer. En plus de ça, ça me rappelle une information que j'ai eue en cours de semaine. Une femme qui est au Bénin, qui dit qu'elle est Dieu Saint-Esprit. Non, mais c'est quand même grave. J'ai dit, j'étais en train de causer avec quelqu'un. J'ai dit, en frère, si le frère Billy pouvait avoir un plateau où on invite Kakou Philippe, qui se dit le messager de l'époque, il y a un autre encore de l'autre côté, je ne sais pas de quel côté il se trouve, Zulu Lassan, qui se dit aussi le second né, il est le deuxième né après Jésus. Donc, il a dit, c'est lui le seul dépositaire de la loi. Nous utilisons, il y a l'autre en Sibérie qui se dit Jésus. Il y a l'autre en Thaïlande qui est le Jésus. Il a conçu, même il a dit que le royaume de la terre, de Dieu est sur la terre actuellement. Celui-là, c'est un Thaïlandais. Il est dans l'île Mayama là-bas. Il y a d'autres encore. Et puis maintenant, puisque cette femme-là, elle ne dit pas qu'elle est prophétesse, elle ne dit pas c'est grave encore. Elle n'est pas, c'est encore assez grave. Elle dit qu'elle est Dieu dans la chair, dans une chair humaine. Mm-hmm. Elle a confronté l'Église catholique, lancé le défi à l'Église catholique parce qu'elle a la puissance de Vodou. Elle a plusieurs millions de personnes qui la suivent dans le monde entier. Alors j'aimerais bien que Frère Bélé les invite un jour dans le plateau, que cette femme-là dise si c'est elle qui a envoyé Kakou Philippe ou bien c'est elle qui a envoyé Zulu là où c'est elle qui a envoyé les autres. Parce que ce n'est pas croyable. Elle-même, elle dit que parce que les gens ont été compétents, Lucifer a gâté tout le monde entier, elle a décidé de venir au milieu de ses enfants. Mm-hmm. Donc elle vient au milieu de ses enfants, les Jésusons sont partout dans le monde entier et les prophètes sont là pour être le messager. Donc vous voyez effectivement que ce que le Seigneur Jésus avait dit, que plusieurs viendront sous mon nom, ils sont là en plein milieu de nous. Mm-hmm. Donc si quelqu'un ne voit pas que c'est l'Écriture qui allait s'accomplir, quelque chose ne va pas chez lui. Et souvenez-vous, dans cette émission, j'avais dit que les hérésies viennent de la Bible. Ils vont prendre les versets bibliques, ils vont tordre. Mm-hmm. Elle va aller dans la Bible, dit que jusqu'à dit que il y a plusieurs autres choses qui vont être dites et que vous ne pouvez pas comprendre. Le moment viendra, il va comprendre. L'homme aussi pour la faire comprendre. Kakou Philippe va prendre Matthieu chapitre 25, verset 6 pour dire que c'est le cri de Muni. Quel est le cri de Muni? Ils sont les criés de Muni pour que vous dites que c'est leur arrivé. Et vous voyez effectivement que le message, c'est qu'il faut qu'on vienne vers chez Kakou Philippe. Il faut qu'on brûle lui second parce que c'est le caralé, c'est fétiche. Il faut qu'on prenne ce mandat. C'est lui qui dit, il dit que c'est Dieu qui l'a dit. Et il dit que qui sommes-nous pour parler de contre le prophète? Je suis serviteur de Dieu, je parle contre lui parce qu'il va aller en enfer avec tout ce qui se cause. Qu'est-ce qu'il peut expliquer de manière technique? Qu'est-ce qui peut bien expliquer tous ces phénomènes? Vous touchez là le doigt au véritable problème. J'ai toujours expliqué aux gens qu'il faut qu'on comprenne. Toutes ces personnes-là ont eu des visions. S'ils n'avaient pas eu des visions authentiques, quand ils parlent d'authentique, ça veut dire que quelque chose de réel leur a été présenté. Par exemple, Kakou Philippe, il dit clairement qu'il a vu l'agneau avec l'ange. Et l'ange, et l'agneau a parlé, il lui a donné ces messages-là dans les années 90. Vous voyez effectivement que c'est dangereux. Il a eu une vision. Vous voyez par exemple une femme qui a eu une rencontre. Cette femme de Bénin dont vous parlez a eu une rencontre. Zulu là a eu une rencontre. Il dit que depuis sa jeunesse, il y a un ange qui l'a pris, le fait malasser dans les prêts, les mars et autres là-bas pour entrer dans les mystères du Père. Vous voyez, il a commencé à dire maintenant qu'on n'appelle pas Dieu, on appelle Dieu Loba. Pour essayer d'attraper le doigt là. Donc il faut qu'on fasse attention. Vous te posez la question, qu'est-ce qui peut expliquer? Ce qui peut expliquer, c'est que les puissances démoniaques veulent l'adoration de Dieu. D'accord. Puisque la Bible déclare que le prince de ce monde va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire lui-même appeler Dieu. Et ce sont les signes précurseurs de sa venue comme ça. Ce sont les signes précurseurs. Puisque quand ceux-ci viennent, un être humain, il parle, les gens les suivent. Cette femme vient parler, elle dit qu'elle est Dieu, le Saint-Esprit. Elle dit que c'est elle qui a créé les anges, c'est elle qui a créé Jésus. Vous voyez les abominations. Mais je dis, les gens le suivent. À combien plus forte raison quand la puissance démoniaque sortant de l'enfer lui-même prêchera. Quand Satan lui-même va devenir sur cette terre-ci en chair et en os, quand il va parler, la Bible déclare que tous ceux dont le nom n'a pas été créé dans le livre de vie l'adoreront. Vous voyez effectivement ce qu'il en est. Donc c'est le signe précurseur pour savoir que ceux qui tiennent ferme dans l'écriture maintenant, quand les gens ne comprennent pas, vous savez, sur une radio, quelqu'un m'a taxé d'être borné. Je préfère être borné. Parce que la Bible dit qu'on ne déplace pas le bon ancien. C'est ça ce que Satan fait. Ils prennent les hérites dans la Bible, ils essaient de vous faire croire. En fait, nous parlons à l'extérieur, il y a des prophètes au Cameroun qui se disent être les prophètes de l'heure. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que c'est eux que maintenant, en dehors de vous, on ne peut pas suivre quelqu'un. Mm-hmm. Pendant ce temps, au Nigeria, c'est la même chose. La question c'est, qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Qu'est-ce que l'Église en fait? Souvenez-vous, avant que Élie ne vienne confronter les prophètes de Baal, les prophètes de Baal avaient déjà pris de l'ampleur et avaient infesté le peuple. Ils avaient infesté le peuple, tel ancien que le peuple même ne parvient même pas à discerner le bon du vrai. Alors maintenant, il a envoyé les prophètes pour aller à la confrontation. Donc quelqu'un pose la question, sans Kakou Philippe, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous voyez effectivement quelle dérive, comment il a été endoctriné. J'ai dit ici, le problème c'est qu'il y a un esprit derrière. Parce que si c'était une conception humaine, les gens pourraient quitter. C'est parce qu'il y a un esprit qui lui est apparu et qui commence à faire l'état. C'est que le message qu'il donne, ce sont des sauts, ce sont des jours. Quand quelqu'un écoute et croit, il est imprégné cet esprit. C'est que quand vous allez lui dire la vérité, il ne comprendra pas. Il faut seulement que quelqu'un soit prédestiné par Jésus-Christ de Nazareth à être dans son salut pour entrer. Si quelqu'un est derrière là-bas, destiné. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, que ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie adoreront la bête. Donc s'ils sont en train d'adorer la bête parce que le nom n'a pas été écrit, on ne peut rien faire. Ah, donc ceux qui sont des esprits de l'enfer iront. Vous nous expliquez que ce sont des esprits impurs qui sont derrière et qui se fait adorer, qui prend la place de Dieu. Hein. Absolument. Est-ce que c'est annexé aussi au cas de la mythologie grecque? Parce que quand on parcourt la mythologie grecque, oui, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs dieux qui se disent, il y a un qui a créé l'eau, absolument, l'autre a créé la terre. Exactement. Est-ce que c'est le même phénomène? On va parler des Zeus, on parle des différentes divinités quand vous allez de parler. Et les maquettes, quand vous allez voir dans la mythologie exactement, vous allez voir le prince, le type dont on parle comme Lucifer, les gens ne connaissent pas de qui il est question. Vous allez voir dans la mythologie, c'est pour ça que lorsque les gens parlent de la comparaison christianisme et religion ancienne, on voit effectivement qu'il y a des symbolismes dans le christianisme, entre guillemets, qui collaborent ou bien qui vont dans le même sens que dans cette divinité, des choses antiques dont tu parlais. Vous allez voir effectivement Sémiramis, Nimrod, Osiris et Isis. Nous allons voir Mithra avec sa divinité Tammuz. Nous allons voir Krishna avec Kali et autres là-bas, dans toutes les strates de la souche 3000 ans avant Jésus-Christ qui se trouve au milieu chrétien. Vous voyez effectivement une mère avec l'enfant. Nous voyons tout ça au milieu catholique aujourd'hui. Et là, on dit que c'est Marie et Jésus, et la mère Jésus. C'est pour ça que vous voyez effectivement les historiens ont essayé de mettre en disant que le christianisme a copié du paganisme. Ce n'est pas que le christianisme a copié du paganisme. C'est que Satan connaît la loi du ciel. Il connaît les choses qui sont écrites dans les écritures, dans les écrits. Il connaît que c'est l'enfant de la femme qui va venir, parce que c'est écrit dans Genèse clairement que c'est la femme, l'enfant de la postérité de la femme qui est censée briser le serpent. Donc, vous voyez effectivement comme c'est écrit en prophétie. Au fur et à mesure, Dieu va dévoiler son plan. Satan, donc, dans ces cas-là, commence à... Parce qu'il ne peut pas créer. Il faut qu'il forme son plan à partir de ce que Dieu a déjà fait. C'est pour ça qu'il va prendre la musique pervertie. Il va prendre ce que Dieu a fait pervertie, le sacerdoce perverti, l'église pervertie. Il ne peut pas créer, il n'a pas l'initiative propre pour créer quelque chose. Il va pervertir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que les hérésies sortent de la Bible. Aucun être humain venant prêcher des choses que ne peut pas dire qu'il vient de Satan, jamais. Ils vont prendre les versets dans la Bible et commencent à parler. Prenons par exemple le cas des francs-maçons. Ils vont parler de la lumière intérieure, du christianisme intérieur. Il faut être chrétien de l'intérieur pour parler des l'éveil de soi. Plus tard, quand vous entrez dans le docteur, vous entendez, il entend parler de le réveil du moi intérieur, le Dieu qui est à l'intérieur de nous, le moi. Donc pourtant, quand il en a parlé, vous croyez qu'il a utilisé le langage de l'apôtre pour qu'il parle de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand il parle de Christ en vous, il parle par rapport à l'illumination cosmique, avec, à être un avec le grand, l'harmonie avec l'univers. Alors que ce n'est pas la Bible qui enseigne cela. Pourtant, ils se disent chrétiens. Mais quand vous allez voir l'enseignement de la Bible, ils vont dire qu'ils ne veulent pas prier, ils ne peuvent pas prier parce que la prière, c'est la bassesse, c'est importuner Dieu. Et jusqu'à dire que prier, la Bible déclare qu'il a donné cet exemple pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et les femmes ont dit qu'ils sont chrétiens. Ils ont dit que chrétien est l'intérêt, mais ils disent qu'il ne faut pas prier. Donc, ouais, effectivement, je prends cet exemple simple pour dire que des gens viennent avec des doctrines prenant de la Bible, soutirant de la Bible. Il y a aussi aujourd'hui les Raéliens qui disent clairement qu'il y a les Elohim qui ont créé l'humanité, qui sont semblables à nous, que leur Dieu est 1m20 et qu'on ne peut pas comparer leur Dieu, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conflit entre lui, entre Elohim, Yahweh et Lucifer. Donc c'est le nouveau message que Raël a eu là pour l'humanité. Donc pour dire que les institutions, les chrétiens sont dans le tort depuis. Donc il remet comme ça, en croix, sous la table, le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que le but de toutes ces choses-là, c'est pour créer la confusion. Mais la Bible déclare que ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. Permettez-moi d'insister un petit peu sur la mythologie grecque. Hein. Oui. La plus abjecte, le fait abominable est que c'est enseigné dans les écoles. Vous allez voir, par exemple, dans les lycées ou collèges, en philosophie ou autre. Voilà, par exemple, en sixième. Voilà. Prenez un exemple. Vous touchez des choses-là. Je dis, nous étions dans le bateau. Où est-ce que nous allons là maintenant? Donc, vous voyez, nous touchons aux choses-là. La dernière fois ici, j'avais posé une question lorsque nous voyons la religion de Kanye West et j'ai posé une question et je l'ai posée dans une autre émission avec pour intention de développer quelque chose. J'ai posé la question. Nous voyons dans la Bible Tammuz, nous voyons dans la Bible Dagon, nous voyons les différentes divinités dans la Bible. Et la Bible parle qu'il y a un existe dans 1 Corinthiens chapitre 8, au chapitre 10 verset 8. La Bible dit que au ciel, 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4, la Bible dit que au ciel il existe véritablement plusieurs dieux même sur la terre. Comme il en existe plusieurs, mais pour nous il y en a qu'un seul Dieu. D'accord. La Bible déclare donc qu'il y a plusieurs dieux. La Bible déclare donc qu'il y a plusieurs dieux. La question que j'ai posée et que je pose encore aujourd'hui, c'est où sont ces dieux? Les dieux, les divinités là, c'est métamorphose selon les cultures. Ah, d'accord. Et l'une des métamorphoses, donc, puisque remarquez la Grèce maintenant, le développement qu'il y a eu, la Grèce qui a influencé le monde d'antan. Où est-ce que, comment la Grèce est devenue? Ça s'est infiltré dans toutes les cultures, depuis le plus bas niveau jusqu'à l'université. Ça se trouve là-bas maintenant. Donc vous allez dire que la Grèce ne domine plus tous les ouvrages philosophiques, leur divinité est entrée là-dedans. Prenons un cas pathétique qui se trouve au milieu de l'église, enfin, au milieu de l'église particulièrement, parce que nous parlons par exemple de la théologie. Et la théologie, le mot théologie a été utilisé pour la première fois par Platon dans sa Bible, dans son écrit La République, celui qui a mentionné. Donc on voit effectivement que théologie, donc l'étude des dieux, c'est ça, on essaie d'étudier, mais c'est quand même terrible. C'est ça qui s'est tout trouver maintenant un milieu chrétien où on a commencé à faire. J'ai fait la théologie. Vous voyez, quelqu'un vient se présenter, se vante d'être un théologien. Ah, il est dans l'école de théologie. Il sait pas que il est dans les dérives. Il est en fait, Satan l'a embrouillé avec les pucus d'abeilles. Donc, vous voyez effectivement que, voici Socrate. Je vous voulais prendre un exemple simple, comme vous allez entendre parler. Vous voyez effectivement sur le temple de Delphes, c'était écrit, on enseigne cela en philosophie, connais-toi toi-même. C'est ce mot célèbre. Et dans ce temple-là, c'est là où on adorait Askera, le serpent. Vous voyez effectivement que c'est le serpent. Dans le temple, on adore le serpent, on écrit en tête « Connais-toi toi-même ». Ah, d'accord. Et ça, la philosophie est basée sur cela. Quelque en sorte, quelqu'un va raconter. La dernière fois, j'ai parlé de la musique et du livre de la loi écrit par Anton Slavon de la vie, de la Bible de Satan et son église. Nous avons vu effectivement que comment Alissa Crowley a écrit les 11 mots pour dire que « Do what thou wish shall be the only law ». Vous voyez effectivement que « Fais ce que tu veux ». Connais-toi toi-même. Et il veut effectivement faire replier l'humanité en lui-même pour qu'il essaie de chercher. Donc, il veut dire, si vous voulez chercher, cherchez à l'intérieur de vous. Le Dieu, donc, c'est tout à l'intérieur de vous. C'est ce que les réseaux chrétiens développent. Donc, vous posez la question, c'est la divinité qui, ce sont les divinités donc, qui se trouvent à l'école. Et vous dites, qu'est-ce qu'on fait à l'école? On fait l'initiation à la sorcellerie. Ah, d'accord. On fait l'initiation à la sorcellerie. Je crois que dans un autre cas, on va trouver l'école. Mais n'essayez pas de me poser la question, pourquoi donc j'ai fréquenté, j'ai aimé mon enfant. Ne me posez pas de questions comme ça. Ce sont des questions forcément qu'on vous posera. Mais et j'ai répondu très souvent. Le jour, voilà, aujourd'hui. Donc, le baptême, l'inquiétude, on revient sur le baptême. L'inquiétude partait du fait que les enfants vont à l'école pour recevoir une l'endoctrinement, la sorcellerie. Inconsciemment, en fait, il y a un livre dédié à ça. Hein? Je crois que une des fois, nous avons lu l'histoire des camarades là et ici. Et nous avons vu effectivement que c'est l'histoire des serpents avec la sorcellerie qui était là. Il y a beaucoup de mythes comme ça qu'on enseigne aux enfants. C'est comme ça qu'on injecte. Vous voyez, il y a des gens qui sont allés quitter en Europe pour rentrer maintenant parce que dans le livre des enfants, la dernière fois nous avons parlé, la théorie déjà est arrivée. Remarquez bien maintenant pour ceux qui sont sur Internet, essayez de remplir un compte Gmail. Et vous voyez effectivement quand vous arrivez au niveau du sexe. Vous allez voir effectivement ce qui est écrit. On va écrire sexe, on va écrire M, on va écrire F, on va écrire autre. C'est quand même terrible. Une autre fois, vous voyez effectivement, il était écrit sexe, M ou F pour dire masculin ou féminin. Mais ils ont déjà prévu en disant autre. Comment on peut être autre? Si vous n'êtes pas masculin, vous êtes forcément féminin. Donc ils ont prévu déjà un autre genre. Ah, d'accord, donc, un troisième genre. J'ai dit, mais ouvrez le compte de Jimmy. Essayez de ouvrir le compte de Jimmy. De manière subtile. De manière subtile, c'est déjà écrit là. C'est déjà écrit. Quand vous ouvrez au niveau de sexe, on va écrire sexe, F, M et puis autre. Ah, d'accord. Comment on peut avoir autre en dehors d'hommes et femmes? C'est écrit. Les gens sont allés m'écouter, vérifier. Alors c'est pour dire que l'Occident est en train d'infester notre culture. Et de toute façon, on ne peut pas arrêter cela. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on revient à l'ordre. Et comme nous étions dans la Bible, si on ne revient pas à l'ordre au niveau du baptême, pour commencer à marcher avec le Seigneur, comment on va faire? On revient donc sur le baptême, mais pour finir avec, on a plus que 10 minutes, je pense, à passer ensemble. Hein, Élise, voilà. Oui, 10 minutes. Voilà, donc on va embrayer avec les deux questions qui restent sur le baptême pour en finir avec. Oui. Je rappelle que si vous avez des questions à poser par appel, faites-le au travers du 671 34 54 14. 6 91 60 02 84. Même si on finit par la semaine prochaine on va débuter avec. Okay. Donc Frère Junior, oui, voilà, j'étais en train de la question, en fait vous avez répondu par l'affirmative, vous avez répondu clairement que celui qui croit est censé être baptisé à l'instant, absolument, sans réflexion, sans raisonnement, absolument, et c'est ça que enquête aussi, hein, sans enquête de moralité. Ah, et c'est ce que les pasteurs ont voulu faire à la place de Dieu, parce qu'il y a un pasteur avec qui j'ai causé, il a dit, et si la personne n'est pas vraiment converti, on n'a pas un baromètre de conversion, le pasteur n'a pas un baromètre de conversion pour savoir que celui-ci a cru, celui-ci n'a pas vraiment cru. Mm-hmm. Puis la Bible déclare que Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5 vont venir faire cette fausse offrande là à Dieu. Pourtant ils étaient au milieu des disciples, ils étaient baptisés. Donc on voit effectivement que ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à nous de contrôler. L'apôtre Paul va dire dans Actes des Apôtres que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Il va dire tous ceux de l'Asie ont abandonné. Vous voyez, il écrit à Timothée que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Pourtant il a passé plus de 2 ans en Asie pour prêcher. Il a prêché, les gens ont cru. Il dit ceux de l'Asie, il ne peut pas dire que les mondains l'ont abandonné. Ce sont ceux qui ont cru, qui ont eu part au message. Remarquez Simon le magicien qui a cru. Il a eu des claques, il a été baptisé par Philippe, l'évangéliste, et il ne quittait pas Philippe parce qu'il voit les miracles. Mais quand il va avoir la confrontation avec l'apôtre, puis il a dit que je vois que tu es dans un filet à main là. Vous voyez effectivement que prie le Seigneur, s'il est possible qu'il te pardonne de cette impurité qui est dans ton cœur. Il a dit prier Dieu pour vous-même. Et c'est Simon, non, le magicien, donc, quand vous lisez les livres dans l'histoire, où effectivement qu'elle a commencé avec le culte des anges. Donc, vous voyez effectivement qu'on peut croire alors qu'on n'a pas cru la vraie croyance. Et c'est ça qui est le vrai problème aujourd'hui. Si quelqu'un croit de façon authentique, c'est pour ça que je dis ici que les gens restent dans la Bible et on n'aime pas les pensées des gens, ni les interprétations des gens, on va avoir bien avec le Seigneur. La Bible déclare, quand l'ennemi éthiopien a cru, il a été baptisé instantanément. Acte chapitre 2, quand les gens qui ont cru, c'est le début là-bas. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. La Bible déclare, et en ce jour, Quand on a posé la question à l'apôtre Pierre, que allons-nous faire? Il n'a pas dit allez demander à vos mamans. Il n'a pas dit rentrer dans vos pays parce qu'ils étaient des nationalités différentes là-bas à Jérusalem. Il n'a pas dit allez réfléchir pour venir demain. Non, non, non, il n'a pas dit cela. Il a dit de façon solennelle. Il n'a pas dit allez apporter l'argent 5000 francs pour l'inscription. Pourquoi mettre votre nom sur la liste de l'église? Non, non, non, non. Acheter de l'habit, pourquoi vous baptisez? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit faire de la doctrine pendant plusieurs années. Il n'a pas dit chercher des marins et des parraines. Il n'a pas dit comme tu baptises, on change ton nom. Non, il n'a pas dit cela. C'est des âneries humaines. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Si quelqu'un croit de façon authentique à la Bible, quoi, à Jésus notre Seigneur, il doit être baptisé. Je n'ai pas dit il peut être baptisé, il doit être baptisé. Ah, chapitre 10, l'apôtre Paul, quand Cornel a cru, pour revenir à notre cas d'aujourd'hui, la Bible déclare qu'il ordonna qu'il fût baptisé. Il n'a pas dit au Cornel qu'attends, je te donne le cours de baptême pour que tu saches là où tu t'engages. Parce que après, les gens citent 1 Pierre chapitre 3 pour dire que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu qui maintenant sauve. Et après ils expliquent que non, c'est pour dire que si tu veux t'engager devant Dieu, il faut que tu réfléchisses là où tu es en train d'aller. Vous voyez comment l'être humain peut mettre son esprit dans les choses de Dieu. Et vous voyez dans la Bible, personne n'a jamais fait cela. Il ne peut pas amener ce verset-là à l'issue, quoi, à la lumière, à rapprocher avec d'autres versets bibliques pour pouvoir comprendre l'interprétation. Il commence à interpréter par lui-même, il dit que ça veut dire que si quelqu'un veut s'engager à Dieu, il faut qu'il comprenne l'interprétation ou bien la marche qu'il va avoir, il réfléchit avant de se baptiser. D'accord. Qu'il l'a fait. Donc c'est parce que le verset ne le dit. Le verset ne dit pas que quelqu'un réfléchit pour savoir où il va s'engager. Non. Le baptême symbolise que c'est son témoignage que tu t'es engagé à Dieu. Sur le témoignage, tu témoignes publiquement que je me suis engagé à Dieu. Ah, donc, et les autres personnes disent que et si demain je me baptise et que je rétrograde. Vous voyez, chaque personne veut se baptiser ou bien veut aller vers Jésus, mais on prend toujours la possibilité de tomber plus tard. Mais pourquoi les gens ne disent pas que je vais marcher avec le Seigneur tête haute jusqu'à la gare? Par la grâce du Seigneur, il va me conduire dans le bon parti. Je vais poser la dernière question avant qu'on ne sorte de ce programme qui tire à sa fin. Oui. Vous avez expliqué au travers des Saintes Écritures que le baptême se fait uniquement par immersion. Absolument. Et pendant que d'autres le font par aspersion. Ce n'est pas possible parce que là-bas, on ne peut pas dire que immersion par aspersion. Ah, d'accord. Parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que baptême se dit plongeon. Mm-hmm. À moins que vous dites donc que d'autres personnes plongent en aspergeant. D'accord. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et maintenant, entre-temps, il y en a qui. Plonge en mentionnant la formule Père, Fils, Saint-Esprit qui est le commandement. Donc je crois qu'on va commencer l'émission la prochaine fois avec cela. Mais permettez-moi que j'y aille en brique. Allez-y, frère Junior. Donc dans Matthieu chapitre 28, c'est là où ça se trouve là maintenant. On va finir là. Mais avant de continuer, je vais parler du cas de Kakou parce que Kakou dit que son baptême de la restitution. Donc vous voyez effectivement que tous ceux qui étaient dans la religion ont restitué leur baptême donc, en prenant maintenant l'onction de Kakou Philippe. Ils ont restitué. Ça veut dire qu'ils ont restitué. Ils veulent dire par exemple qu'ils ont restitué ce qui était déjà le canari de Fétis. Ils ont restitué maintenant pour entrer dans le royaume. Donc vous voyez effectivement que des gens ne comprennent pas quelque chose. Donc tous ceux qui sont baptisés du baptême de la restitution de l'apôtre quoi de Kakou Philippe. Et souvenez-vous, il a les apôtres chez lui, il a les prophètes chez lui, mais ce sont les prophètes de Kakou Philippe, pas les prophètes de Jésus-Christ. Ah, d'accord. Il n'a pas des apôtres de Kakou Philippe, ce sont les apôtres de Kakou Philippe, pas les apôtres de Jésus-Christ. Et chaque fois il cite Éphésiens chapitre 4 pour dire que c'est un Éphésiens 4. Donc, il parle dans la Bible, mais ils disent que c'est pas les apôtres de Jésus-Christ, ce sont les apôtres de Kakou Philippe. Donc vous voyez, effectivement, il prend directement la place de Jésus-Christ. Il dit qu'il est la lumière, il est le chemin, la vérité, la vie. Et lui dit clairement que si quelqu'un ne croit pas en lui, il va avoir un enfer. Il essaie de frayer les gens. Il est mince comme ça, c'est lui qui va brûler là-bas. Donc, Matthieu chapitre 28, verset 19 dit « Allez par tout le monde et faites les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ici donc que l'Église catholique donc, a maintenant envoyé sa doctrine au courant des pentecôtistes. Vous allez voir la doctrine de Trinité. On va toucher ça, ça travaille avec la doctrine de Trinité et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir effectivement comment le Seigneur Jésus-Christ va dire de sa bouche qu'on plonge en mentionnant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous lisez le verset, il n'y a pas de nom là-bas. Ce sont des titres, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des titres. C'est pour ça que donc, puisque nous allons sortir, je vais lancer ceci pour que la semaine prochaine nous en développons. Tous ceux qui ont été plongés au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit n'ont pas été baptisés d'après la Bible. Comment expliquer pourtant c'est un commandement qui est inscrit littéralement dans les Saintes Écritures? En fait, littéralement, c'est comme ça. Vous voyez, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible comme ça, mais pourtant, ce n'est pas littéralement qu'on l'accomplit. Mm-hmm. Vous voyez, effectivement, par exemple, le Seigneur Jésus-Christ va dire, par exemple, dans Jean chapitre 14. On 15, a peu de temps, frère Junior, vous pouvez y aller. On peut y aller. Oui, on a peu de temps. Bon, je crois 10 minutes avant la fin. Voilà. De l'émission. Dans Jean chapitre 13, 14, 15 et 16, Jésus-Christ va donner la prophétie sur le ministère du Saint-Esprit. Il va déjà encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, je me refais à remarquer aux chrétiens qui m'écoutent maintenant et à tous ceux qui lisent la Bible que l'écart entre Matthieu chapitre 28 et Actes chapitre 2, c'est 10 jours. Donc, à chapitre 28, le Seigneur Jésus-Christ va donner au verset 16 le rendez-vous à ses disciples de se réunir et l'attendre quelque part. Ils vont l'attendre là-bas, il va commencer à lui donner les injonctions. Verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations les disciples. » Donc, ça veut dire « C'est moi qui vous envoie. Je suis derrière vous. Vous avez la puissance derrière vous pour vous soutenir. » Il dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. » Restez encore sur cette phrase. Vous voyez, il dit « Baptisez-les et enseignez. » Aujourd'hui, les gens enseignent avant de baptiser. Donc ils ont décidé de faire, ils ont dit que Jésus avait fait l'erreur. ils ont commencé à baptiser, à enseigner avant de baptiser. Vous êtes là, pourquoi? Ils disent que non, c'est pour que la personne soit consciente. Donc, le Seigneur Jésus n'était pas au courant de ce que la personne pourrait faire. C'est pour ça qu'il a donné l'ordre de baptiser avant d'enseigner. Donc, vous voyez, effectivement, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui que je suis à ma deuxième année de catéchèse. Vous dites, c'est pour faire quoi? Il dit, à la troisième année, après, à l'issue de ça, on va me baptiser. Et même à l'issue de cela, on ne pas le baptiser, on va le verser de l'eau sur la tête. Et là, j'appelle à la conscience maintenant des prêtres, de tous ceux qui, de cette dénomination-là qui font cela. Je pose la question. S'ils versent des bouts de gouttes d'eau sur les bras des gens, est-ce qu'ils seront baptisés? C'est-à-dire s'ils versent trois fois le goutte d'eau sur le pied, en disant j'étais baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, est-ce que c'est possible? Pourquoi c'est seulement sur la tête? Pour les rendre têtus par rapport à la parole de Dieu. Ah, d'accord. Donc maintenant, en fait, je vais dire ceci. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est là le vrai problème maintenant avec les pentecôtistes. Vous allez voir, tout, en fait, c'est parce que tous sont les filles de l'Église catholique. La majorité donc sont sortis, en fait, qui le veut ou pas, ils jouent les intérêts de l'Église catholique, comme on dit du Vatican plus précisément. Dans la Bible, donc, vous allez voir effectivement que les apôtres, c'est aux apôtres, les premiers apôtres, avec, ils sont les 11. Dans ces Matthieu chapitre 28, versets 11 à 16, la Bible déclare que c'est 11 disciples qui étaient là présents quand le Seigneur Jésus leur a donné ses injonctions. 10 jours après, ils étaient tous ensemble dans le même lieu priant. Le Saint-Esprit va descendre sur eux dans chapitre 2. Par la suite, verset 30, on va demander quand il va finir de prêcher, les gens vont avoir le cœur vivement touché. La Bible dit que Pierre s'éleva au milieu des 11 et commença à prêcher. Il va dire, les gens vont avoir le cœur vivement touché pour montrer que c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit préalablement. Ils vont dire, homme frère, qu'allons-nous faire? L'apôtre Pierre va donner cette parole qui est écrite dans les cieux. Répentez-vous un et que chacun de vous individuellement soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même terrible comme déclaration. Or, 10 jours plus tôt, le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mm-hmm. On lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne répète pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, mais il répète qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, souvenons-nous que Jésus-Christ leur a dit que vous recevez le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Ah, d'accord. Il a dit par rapport à la promesse du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous les révélera. Il vous annoncera des choses à venir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église tout au long. Et nous allons voir effectivement le cas de l'apôtre Pierre, le cas de l'apôtre d'Évangile de Philippe et le cas de l'apôtre Paul qui n'était même pas parmi le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a même pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas reçu cette injonction de la part du Seigneur Jésus-Christ, mais qui a commencé à marcher à partir de l'appel qu'il a eu dans Actes chapitre 9. Mais il prêchait et baptisait de la même façon. Il dit dans Galates chapitre 1, verset 16 et suivant, 11 et suivant, que l'évangile qu'il a prêché n'est pas d'un homme. Il n'a pas reçu d'une école de formation théologique, mais il a reçu directement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pardon, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui lui a ordonné d'aller prêcher comme ça. Mm-hmm. C'est lui qui lui a ordonné d'aller prêcher. Alors, il vient, il prêche le même baptême que les autres apôtres prêchent. C'est pour ça qu'on dit qu'on est baptisé, quoi? On est baptisé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ah, d'accord. Question maintenant. Pourquoi il dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il l'a dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Parce que la personne qu'on appelle Père, Fils, Saint-Esprit, il a un nom et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelqu'un pourrait rétorquer en disant que même si on baptise au nom du Père, du Fils, en mentionnant la formule Père, Fils, Saint-Esprit, mais il a baptisé, c'est toujours Jésus. Non, en fait, il a baptisé au titre. Dans ce cas, je lui dirais également que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Pas vrai? Le narcisse de Saron, c'est Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Donc pourquoi ne pas baptiser au nom du lion de la tribu de Judas, le lion brillant du matin et le fils de David? Alors ça serait aussi la même personne, pas vrai? Et d'aucuns diront aussi que entre Paul, entre Pierre et Jésus, on pèse dans Pierre et Jésus. Qui est-ce qu'il faut respecter? Souvenez-vous de ce qui est écrit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. On ne met pas en conflit Jésus et ses apôtres. C'est pas possible. Parce que l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc il a de marcher conformité avec les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il dit, l'évangile que j'ai reçu n'est pas de moi, c'est de Jésus-Christ qui l'a reçu. Et nous avons le témoignage de Jésus-Christ lui-même dans la Bible qui a apparu à Paul, à Ananias. Il a dit que cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour faire montrer mon nom, pour publier mon nom parmi les nations. Mm-hmm. Donc c'est Jésus-Christ qui l'a ordonné d'aller faire. Ah, et c'est Jésus-Christ qui lui a demandé de prêcher ainsi. Dans Actes chapitre 11, dans 1 Corinthiens chapitre 11, parlant de la Sainte-Seine, il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris. C'est que la nuit de la Pâque, le Seigneur a pris du pain. L'apôtre Paul n'était pas là lorsque le Seigneur avait fait cela. Mais il a dit qu'il a reçu du Seigneur. Donc, par la suite, le Seigneur Jésus-Christ, dans la résurrection, dans la puissance de la résurrection, lui a expliqué ce qui se passe dans la soirée. Ah, il a dit à ses disciples, enseignez-les à observer. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les disciples n'enseignent que ce que je leur ai demandé de faire. Qu'est-ce que je leur ai demandé de faire? De baptiser au nom du Seigneur, du Père, du Fils Saint-Esprit. Et qu'est-ce que les disciples, les apôtres ont fait? Ils disent, Jésus, souvenez-vous, Jésus a dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai fait. On a demandé à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ordonna qu'il fasse baptiser au nom du Seigneur. Et c'est ce qu'il leur a demandé de faire. Et si maintenant on est plongé dans l'eau, comme vous le dites, oui, et qu'on était plongé dans l'eau avec mention Père, Fils, Saint-Esprit. J'ai dit ça dès le départ, on n'est pas baptisé parce que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême. Le seul baptême qui est vrai, c'est le baptême authentique de la Bible. C'est-à-dire que la façon que la Bible a fait, c'est comme ça qu'on doit faire. Mm-hmm. Si c'est pas comme ça, puisqu'il n'y a pas un témoignage dans la Bible de quelqu'un qui a été plongé dans l'eau ou dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas marcher au autrement. C'est un peu comme les femmes que vous entendez, les femmes pasteurs, celles qui prêchent là. Si elle va dans l'eau, c'est la malédiction qu'elle cherche. Parce qu'il n'y a pas un témoignage de femmes pasteurs dans la Bible, encore moins celles qui baptisent. Vous voyez effectivement que les gens sont allés chercher les esprits des eaux sur eux-mêmes. Parce qu'il y en a qui disent que les femmes aussi doivent baptiser. Hein? Non, en fait, éloignons leur cas, il faut la délivrance. Ah, d'accord. Et maintenant, pour sortir, frère Junior, oui. En quelques minutes, vous donnez la réponse à cette autre dernière question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se baptise d'ailleurs? Parce que Jésus-Christ l'a ordonné. Ah, d'accord. Dans ce cas, vous me posez le commandement, pourquoi nous, parce qu'on vit dans la sanctification. Ah, il a ordonné, il a dit recherchez la paix et la sanctification envers tout ce sans lequel personne ne va au Seigneur. Il a, la Bible déclare que vivez dans la paix, aimez-vous les uns les autres. Sans le commandement, vous ne pouvez pas me poser la question pourquoi on doit s'aimer. Parce que le Seigneur l'a ordonné. Ah, quand le Seigneur ordonne, on doit le faire. Ah, c'est pour ça que quelqu'un n'a pas d'alternative pour dire que je peux croire sans me baptiser aujourd'hui. Et vous voyez, les gens prennent les alternatives, ils disent que le brigand à la croix, s'est-il baptisé? Allez, c'est alors à la croix. Et dans ce cas, ne soyez pas baptisé. Ah, d'accord. Donc, quand tu as les deux pieds, tu vas être baptisé, tu dois être baptisé. Quand tu crois, tu dois être baptisé. Parce que tous ceux qui ont cru ont été baptisés. Mm-hmm. Donc, pourquoi est-ce qu'on baptise? Parce que Dieu l'a ordonné. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut se baptiser pour les morts? Parce qu'il y a une religion en Occident qui démontre qu'on se baptise pour les morts. Donc, on voit effectivement qu'ils ont laissé toutes les autres choses qu'ils ont créées dans la Bible. Ils sont allés prendre ce que l'apôtre Paul était allé prendre pour leur montrer la résurrection. Parce que je crois que l'une des fois, nous avons poussé 1 Corinthiens chapitre 15 pour expliquer le fait que pourquoi l'apôtre Paul voulait prendre ça pour attester du fait qu'il y a la résurrection. Pour leur dire que le fait que les gens baptisaient pour les morts dans leur religion, c'était de montrer effectivement que pour eux, cette personne n'est pas mort ou bien ils avaient l'espérance de la résurrection. Donc, ils ne disaient pas qu'on se baptise pour les morts ou bien ils n'attestaient ni n'agréaient le baptême pour les morts. Dans ce langage-là, l'apôtre Paul voulait signifier que les morts, le fait que les gens de cette religion la baptisent d'une de façon inconsciente, ils croient comme ça au baptême ou quoi, à la résurrection plus tard. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit cette syllogisme. C'est pas pour dire qu'il acceptait au milieu chrétien ou bien, enfin, il n'a jamais été mentionné comme ça au milieu chrétien. Frère Junior, c'est la fin, un dernier mot, et puis on sort. Merci particulièrement à la famille d'Élise et Tondé. Merci pour tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, ont contribué de près de l'un à cette émission. Et une fois de plus, que Dieu bénisse la famille des veuves des orphelins. Merci à tous, merci à chacun. Mon nom est Billy Cola. Élise Tondé a assuré la partie technique de l'émission. Rendez-vous vendredi prochain 20h30 pour une autre édition de ce programme. L'apparence des hommes, l'acceptation des hommes.